radioscoop.fr et vous pouvez envoyer toutes vos questions en likant la page Facebook, la page Love in Fun et bien sûr sur le Twitter avec hashtag Love in Fun. Le doc y répondra dès demain. C'est ça, Doc qui travaille 24 heures sur 24. Oui, on va retrouver là maintenant Mickaël No Limit, avec qui j'ai hâte de discuter de quelque chose. T'es là, Mickaël? Oui, bien sûr, de quoi on peut parler? Mais on va parler de Stromadoc. Ah, encore! En fait, Mickaël, c'est un peu le juré de The Voice. Tous oui, les c'est fois, ça. On se retrouve et on lui fait écouter les chansons de l'équipe. Et très bien. Non, écoute pas, c'est pas intéressant. J'aimerais savoir. Attends, j'ai déjà mon buzzer, si tu veux, pas de problème. Hein. Fais écouter. Voilà. Bon, voilà. Écoute, tu buzzes quand tu veux, mais moi je pense qu'on tient quelque chose. Alors vas-y. C'est le Doc qui nous a chanté une petite chanson, Stromadoc. C'est eux qui ont composé ça. Hein. Alors vas-y. C'est parti, on écoute. Non, je plaisante. Ça fait très mal. Et où est ton papa? Tu es normal et tu n'es pas sale. Tes testicules n'ont pas grossi, si. Pas sale. Et sinon tu vas bien? Ta famille, ça se passe bien? Allez, pas mal. Où est ton papa? Pas sale. Et où est ton papa? Ça fait très mal. Et où est ton papa? Tu es normal. Qu'est-ce que t'en penses? Non, très très bien. Vous pouvez vous cacher, hein, Karima et toi. Non, là, je suis désolé. Moi, j'aime bien le. Et sinon, tu vas bien? Oui, ça n'est pas mal. Ce n'est pas sale. Alors, allez mater la pochette du titre. Parce que. Il y a une pochette. On fait les choses bien dans Love in Fun. Ah, putain, vous êtes blindés, vous. Non, mais vraiment, regardez là, ça va mourir derrière. Je vous jure, sur la page Love in Fun, Stromadoc, il y a un truc. Je vais la partager. N'hésite pas. Bonne émission à vous, les amis. Merci. J'allais dire bonne émission à vous, mais bonne soirée plutôt. Il rencard demain 20h alors. Oui, ça roule. Allez, moi l'émission, eh bien, elle est là jusqu'à minuit. Ciao tout le monde. Ciao. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bienvenue. Comment ça va ce soir pour la première de la semaine? Bon, ben nous, on a déjà fait une émission hier, évidemment, de 20h à minuit. Mais dans l'absolu, c'est la première journée pour la majorité d'entre vous. C'est donc lundi. J'espère que ça s'est bien passé chez vous, hein, le week-end, tout ça. On est en pleine forme, personnellement. Moi, c'est Mickaël. Je suis là du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et comme je le disais, le dimanche également, 20h, minuit, pour venir parler avec moi. Et bien, vous faites le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 pour la Belgique. Vous n'hésitez pas, comme Alexis d'ailleurs, qui est déjà au standard là. Annoncez Adrien. Salut Adrien. Salut. Allô, comment ça va? Ben, eh ben, tranquille, Adrien. Bon, alors Adrien, t'as passé un bon week-end? Ça va, je vous attendais justement. Ah, une bonne journée aussi? Ouais, pareil. Est-ce que tu as fait partie des 1,2 million de personnes qui sont venues voir ma thèse sur le Facebook depuis hier soir? Oui. Ah, toi aussi tu es fan de moi? Ah, très très fan. De mon physique, de ma beauté, ouais. Oui, tu étais le moment, Mickaël. Non, ils ont juste été voir à quoi ressemblait l'iPhone 5C que je vous file, le bleu et le rose là. Non, du tout, même pas. Ah, c'est vrai, bah putain, c'est gentil, merci Adrien. Non, mais bah, écoute, franchement, t'es un mec bien, c'est bien. Non, c'est vous avez été plus d'1,2 million à venir voir depuis hier, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce matin, j'ai regardé le truc, je me dis... T'as dû avoir un bug avec Facebook, je sais pas ce qui s'est passé. Mais non, apparemment, on a plus 1,2 million de personnes qui sont venues voir ma photo. Ouais, oui, tellement. Oui. Enfin, surtout les iPhones, bien évidemment, que je vous offre encore un ce soir d'ailleurs. Facebook.com/Mickaël officiel si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi, Adrien? Adrien? Allô? Ah, je disais, on va parler de quoi avec toi ce soir? Ah, bon, je pense que nous avons perdu Adrien. Ce n'est pas grave, nous allons le rappeler immédiatement, Adrien. Ce n'est pas grave. Sandro qui est toujours célibataire au standard. Hein. Oui, exactement. Enfin, je suppose. Hein, Oui, ça commence à faire long, là. Voilà. Bon, bah, pour faire vos déclarations, hein, demandant mariage, tout ça, ou même juste passer à l'antenne, un seul numéro pour la France, 01 42 48 5000, et pour la Belgique, 02 851 4x0. Le scooter, évidemment, la mobilette de Toff qui démarre toujours, a priori. On va essayer. Voilà. Effectivement, toujours au taquet, en pleine forme. Et la pleine forme aussi, là, chez toi, là, tout va bien? Tout va bien, au taquet. Bon, bah, tant mieux. Voilà, il est au taquet, comme vous pouvez l'entendre. Et Polo, on m'a dit que le pipo, il était un peu... Il marchait plus très bien, là, il était un peu encrassé. Bah, je l'ai nettoyé, là, Attends, donnez-moi. Ah, bah, c'est mieux, là, avec la crache. On nettoie un petit peu, là, attends une seconde. Vas-y, essaye pour voir. Ah, bah, voilà. Parfait! Eh ben voilà, il suffisait de demander. Et puis comme tous les soirs, vous pouvez évidemment devenir le top tweetos là si vous êtes de plus en plus nombreux en plus de ça à venir, hein, sur le Twitter là, pareil aussi sur le Facebook. Là on a passé les 12 000 hier. Et on a également fêté notre deuxième mois d'émission. Ouais. Ouais. C'est beau. Deux mois avec déjà de 12 000 fans là sur le Twitter, 12 000 personnes qui nous follow et également quasiment 180 000 personnes sur le Facebook de l'émission en deux mois. Merci beaucoup, c'est super cool de faire passer le message comme ça à tout le monde. Et donc vous voulez essayer de battre pour le top tweetos. Migos, Let's Be Free, ce qui est quasiment tout le temps numéro 1. On verra si quelqu'un va arriver à la détrôner ce soir. En tout cas, si vous voulez relever le défi, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL et à la fin de l'émission, eh bien, on donnera le top 5, ceux qui ont été les plus actifs. J'ai envie de dire également le meilleur auditeur ou la meilleure auditrice de la soirée. On aura aussi du son, bien sûr, avec le son de Selena Gomez. Est-ce qu'on a récupéré Adrien? Ouais, c'est bien. Selena Gomez, t'aimes bien? Ah, super. Et il y a Fanny aussi sur le Twitter qui m'avait demandé hier soir, mais j'ai pas vu le message, alors du coup, je leur mets ce soir. Showtech avec Booyah. Ça aussi, tu kiffes ou pas? Ah, super. Bon, tu peux me dire non, maman, hein, faut pas dire... Je préfère Selena Gomez, en tout cas. Tu préfères? Oui, physiquement, moi aussi. Et puis, alors aussi, bah, Britney Spears, Work Bitch. Quoique là, avec Britney Spears... Quoique je l'aimais bien dans Hit Me Baby One More Time à l'époque. Ah ouais. Oh, elle était là, petite étudiante. Oh là là. Elle a eu des enfants effectivement et malgré qu'elle ait eu des gosses, elle est quand même plutôt bien. Ouais. Voilà, plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi, Adrien, physiquement, Britney Spears? Je préfère ça, Gomez. Ah tu vois, mais moi non, mais elle est plus jeune aussi, elle est plus fraîche. Ouais. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. C'est vrai, elle est plus fraîche. Elle est plus fraîche, c'est vrai. Mais c'est plus fraîche. On va pas la plaindre. T'inquiète pas, on la plaint pour rien. Hein. À ce niveau-là, il y a pas de problème. Bon, et puis ce soir également, c'est le festival aussi des cadeaux, bien sûr, avec bah, comme je le disais, iPhone 5C rose ou bleu. Allez les voir, allez faire votre like également et le partage sur le Facebook. Tirage au sort tout à l'heure avant la fin de l'émission. facebook.com/michaelofficiel. On aura la colle également dans un instant. Avec la PS3 et les GTA 5 qu'on vous offrira. Et puis aussi, le chéri, je peux te faire cocu ce soir. Nouveau chéri, je peux te faire cocu comme tous les lundis, avec notamment les lecteurs DVD à gagner. Voilà. Bon, Adrien, de quoi on parle du coup avec toi là? Parce que ça a coupé tout à l'heure. Bah, moi j'ai une copine, donc il y a quelques mois de ça en fait. Ouais. Elle avait, on va dire, un léger problème. Ouais. C'est que, pour être direct, t'as tué de la gueule, quoi, en fait. Ça arrive à plein. Ça arrive à plein de meufs, ça. Enfin, plein de meufs. Ça arrive à plein de monde. À tout le monde. Non, mais plein de mecs, de meufs, etc. Et le pire, c'est qu'il y en a qui s'en rendent pas compte. Ouais, surtout Toff, voilà. Je peux vous confirmer. Non, mais c'est vrai. Attends, Toff, ouvre la bouche un peu. Attends, je remets encore. Voilà. Très bien. Ça va mieux là? Ah, mieux là. Un petit peu de spray menthe. Ouais. Menthol, ça va beaucoup mieux après je ça. Tu peux en avoir pour l'autre côté aussi ou pas? Oui, alors attends une seconde, je t'en remets un peu là. Voilà. Très bien. Ah, bah voilà. Voilà, mais au moins ça sentira meilleur maintenant, comme ça c'est bien. Est-ce que tu lui avais dit qu'elle sentait mauvais de la bouche? Bah, en fait, moi je me suis plutôt posé la question avec elle en me disant que c'était certainement un souci de santé, puisque. De santé, c'est direct. Bah, c'est que l'hygiène bucco-dentaire en fait était là, donc du coup ça venait peut-être pas de là, mais. On s'est enseigné ensemble auprès de médecins que ça venait peut-être du foie ou de l'estomac en fait. Ouais, ça peut arriver, exactement. Voilà. Ça peut même arriver de l'hygiène, ça peut arriver avec un problème dans le foie, ça peut un problème arriver avec une dent pourrie, enfin n'importe quoi. Mais on n'y pense jamais assez, c'est peut-être toi qui te lavais pas assez la bite. Ah, ouais, c'est possible aussi, merci Trône classe, comme vous avez pu le remarquer, Toff est là. Bon, et donc Adrien, écoute, on va en parler dans un instant. Dites-nous d'ailleurs ce que vous avez, si vous êtes déjà sorti avec des meufs ou des mecs qui effectivement sentaient de la bouche. Et Adrien, souffle un peu dans le téléphone pour voir. Quelle horreur! Non mais Adrien, t'es sérieux là? C'est l'hôpital qui se fout la charité, hein? Ouais, mais je suis désolé, hein. Bah oui, mais enfin, t'es désolé, mais dis donc, c'est-à-dire que tout le studio il pue là. Faut y aller au lance-flamme là. Bon, attends, rien. Je pète, ça pue pas comme ça. Attends. Je vais le mettre un petit coup là. Voilà. Réessaye. Ça va mieux, mais attends, ouvrez encore la bouche là. Voilà, attends encore. Très bien, parfait. Réessaye. Ah bah voilà, là, ça va beaucoup mieux là. Tu aurais dû nous présenter ta copine en fait, on aurait géré ça. Bon, et reste avec nous Adrien, on va en parler dans un instant justement des meufs et des mecs qui puent de la gueule. Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement? Venez nous en parler, vous nous appelez maintenant, le standard est ouvert, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On accueille également Eric qui est avec nous là. Salut Eric. Salut. Attends, vérification de l'odeur de la bouche, là fait... Ah, souffle un peu dans le téléphone. On voit que c'est la fin de journée. Hein. Voilà, tout le monde a le droit à son petit spray là. Tout le monde a le droit à son petit spray. Alors que moi. Oh. Ah non, ça sent Ouais, ah. Voilà. Ça sent même bon, ouais. T'as vu? On devrait kiffer un parfum, je trouve tellement. Et ça oui, sent bon. Mais je trouve aussi, on fera le nouveau parfum odeur de la bouche de Mickaël. Est-ce que vous serez encore comme pour l'iPhone plus d'1 200 000 à venir voir le parfum? Le parfum Mickaël, non. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Bon, Eric, sois le bienvenu, on va se faire la colle avec toi. Ouais. Ouais, bah si tu veux pas, tu dis, hein, Eric, hein. Donc voilà, une seconde Eric, Courbevoie, il va se calmer Eric, ouais. Directement là. Bon alors, le principe est simple, tu vas donc énoncer une colle. Si les auditeurs trouvent la bonne réponse, ils repartent avec tout simplement le coffret comprenant la PlayStation 3 et le jeu GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière, je vous le rappelle, c'était lundi dernier. Et si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne Eric. Vas-y pour la colle, on t'écoute. Ah ouais. Donc alors, c'est un véhicule prévu, enfin qui peut être de luxe ou de loisirs, ouais. Prévu pour la montagne, ouais. Mais néanmoins, un seul col qui ne pourra jamais franchir, dites-moi lequel. Bon, je vais le répéter parce que je pense que c'est un petit peu confus dans ta tête. Je vais le répéter parce que chez moi c'est écrit. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisirs, prévu pour la montagne, il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir, lequel? C'est bien ça? Voilà, exactement. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez simplement maintenant MIKL espace la réponse au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Donc MIKL et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je répète encore un coup. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir. Lequel? Pour ceux qui ont du mal à visualiser comme ça la question, je l'ai mise également sur le Facebook. Vous pouvez aller la voir maintenant. Donc facebook.com/MIKL. Officiel. On te récupère dans un instant, Eric ? Ouais, bah, y a pas de souci. Parfait. Et on reparlera avec Adrien donc, par rapport aux odeurs de bouche. Et puis, bah, on va rediffuser également un petit canular de toff. Alors, je suis emmerdé parce qu'on avait le canular avec la branlette et la pipe. Alors, on avait appelé un coup dans le Nord, à Lens, et un coup en Corse. Oh, je sais pas lequel remettre parce qu'ils étaient tellement tous les deux improbables. L'autre, c'est un petit faible pour le mec du Nord. Ah, moi, j'aime bien la Corse. C'est Corse aussi. Putain, je sais pas. Dites-nous lequel vous voulez entendre. Et vous voulez préférer la Corse ou Lens, le Nord ? Voilà, vous nous dites ça maintenant. Pareil aussi hein, par SMS 64 900 ou 3044 pour la Belgique. En tout cas, bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël Nolimit. Dans un instant, on s'écoute le son de Selena Gomez avec Slow Down. Voilà Adrien, tu vas pouvoir comme ça imaginer plein de choses. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Et puis vous en direct, là où que vous soyez, n'hésitez pas, venez prendre le contrôle de Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, bienvenue si vous venez de débarquer la 23h12 sur Fun Radio. Venez prendre le contrôle, on est là tous les soirs sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, du lundi au jeudi, 23h, 2h du mat, et le dimanche évidemment, de 20h à minuit sur Fun Radio. Avec dans un instant, le retour d'Adrien avec sa meuf qui a un petit problème au niveau de la bouche, hein, puisqu'elle pue de la gueule. On en parle dans quelques instants, évidemment, avec vous toutes et vous tous. Vous appelez d'ailleurs Sandro si vous voulez réagir, si vous avez une solution ou si vous avez le même problème peut-être. 01 42 48 5000. On aura dans un instant donc la rediff du canular de Toff. C'était la semaine dernière avec soit le Nord soit le Sud, hein. Donc, soit le Nord soit la Corse. Ouais mais le Nord. Ouais je sais bien, on va faire un petit. Il y a Dissociable qui dit celui de Lens, il était énorme. Il y a Véro sur le Twitter qui dit la Corse. Il y a Henri qui dit la Corse également. Il y a Tony qui dit moi j'irais plutôt sur le Nord. Ah ça reste mitigé là. Continuez à donner vos avis en tout cas sur le Twitter de l'émission. Vous mettez le hashtag et Mickaël, je compte sur vous. On attend évidemment tous vos messages et puis profitez-en également pour tenter de venir choper votre iPhone, le 5C, la rose ou bleu, ils sont à gagner maintenant sur le Facebook de l'émission et profitez-en, c'est le dernier à choper maintenant. Vous allez simplement sur le Facebook, facebook.com/MIKL officiel. On l'avait promis, et ben c'est parti, le son de Selena Gomez qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio, c'est Slow Down, Mickaël No Limit jusqu'à 2h, bienvenue. Selena Gomez sur Fun, c'est Slow Down. 23h, 2h. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No Limit. Sur Fun Radio. Exactement, ouais. Sur Fun Radio, Mickaël, No Limit, 23h17. On est toujours en direct avec vous jusqu'à 2h du mat. Comme chaque soir, merci à tout le monde de débarquer sur Fun Radio, de plus en plus nombreux à le voir, en tout cas sur le Facebook et le Twitter, si puisque ça cartonne là, depuis 2-3 semaines, là. Bah, continuez à faire la promo autour de vous, hein. Facebook.com/Mickaël officiel. Est-ce que t'as écouté, Adrien, la semaine dernière, toi, l'émission? Ah oh bah oui, comme toujours. Ah bah très bien. Et tu as certainement dû entendre le moment où Toff a téléphoné pour la pipe school et pour aller se branler chez quelqu'un. Oui. Voilà. C'est le Corse et tout. Le Corse et le Nord. Est-ce que tu voudrais en écouter un des deux en particulier? Le Corse. Bon, attends, on va faire un tour aussi du côté du Twitter là. Je m'en fous des iPhones, je veux Mickaël, moi mais en rose. Non, c'est rare, comment t'es qui expliquait petit rouge gorge qu'il n'est pas question que je m'habille en rose. Il y a quoi aussi, il y a Henri qui dit non mais celui du Corse avec toutes les insultes, il était énorme. Mister Steven qui dit celui du Lens, de Lens, c'est le Nord aussi, ça qui était, il était trop puissant. Moi je veux le Nord, c'est Nanou qui a envoyé le message, le Corse et le Nord. Ah, pourquoi pas. Justine qui dit le Nord, celui de Corse, on l'a trop entendu. Yako aussi. Bon, ben continuez avec le Nord, le Corse. Oh là là, bon, vous savez quoi, on va mettre déjà le Nord, on verra bien comment ça va se passer après. Direction le Nord maintenant, c'était, bah, c'était encore du caviar pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Alors écoutez, on en fera d'autres, des appels tout à l'heure, hein, faut juste trouver une idée. Mais on va le refaire là-bas. Adrien, du coup, on va se le refaire là. Hein. Super. Et on parlera des gens qui puent de la gueule avec toi juste après. Allez, c'est parti. Toff avait appelé donc pour la Pip Academy. La Pip School, pardon. La Pip School, la Pip School, exactement. Alors écoutez. Allez. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si votre mari était satisfait des pipes que vous lui faites. Bah, espèce de gros bâtard, ça t'amuse à plaster-ci. Bah, enfin, madame, faut pas le prendre sur ce ton-là. Moi, je vous appelle pour vous rendre service. Bah, ferme ta gueule, gros bâtard. Bah, ferme ta gueule. Mais enfin, madame. Alors, mon mari est satisfait de ce que je fais, ça te plaît ou non, j'en ai rien à branler. Et ouvre la bouche. Eh, hey, gros enculé, t'es mort. Bah, excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous êtes vraiment satisfait de ce qu'elle vous fait avec sa bouche? Et ta mère, elle est satisfaite, fils de pute, de mourir. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Non, moi je veux un rapport que je t'encule ta grosse merde, bâtard. Mais je t'encule ta race. Mais monsieur, enfin. Écoute-moi, espèce de branleur, t'es pas content, tu viens sur Lens. Tu veux que je donne mon adresse, tu viens, c'est tout de suite, je t'encule ta mère. Mais en fait, non, mais je ne fais que les cours de fellation, monsieur, parce que moi je. Ouais, je tu vas faire le cours de ta grand-mère, fils de pute, parce que je vais t'enculer, moi. Non, mais en fait, voilà, moi j'ai monté la Pip School, monsieur, et je n'apprends qu'à faire des ouais. pipes. Toi, fils de pute, d'enculé de ta grand-mère. T'as vu ton numéro, moi, il a été inscrit chez moi. Je te promets, je te dis tout de suite, je m'en vais porter bête sur ta gueule. Mais je vois pas l'intérêt, monsieur. Moi, je tu vois pas l'intérêt, je vais t'enculer ta mère, fils de pute. Moi, je vous appelle pour mon service. Vas-y, rigole bien, espèce d'enculé de ta grand-mère. T'es franc de loin derrière le téléphone. Viens. Mais monsieur, moi je veux bien venir, mais je ne viens que pour donner des cours à votre femme pour qu'elle monsieur, vous fasse. Monsieur, je vais t'enculer ta mère, fils de pute, vas-y. On peut venir à deux. Vas-y, va baiser ta grosse mère. On peut venir à deux. Fils de pute, bon. On peut venir à deux. Il avait pas voulu me parler, moi. T'as vu, c'est bizarre quand même, Adrien. T'as vu, moi j'essaye de lui parler tranquillement, gentiment. L'autre il me raccroche au nez, dégueulasse. Et puis, c'est vraiment sympa, quoi. Voilà, donc ça c'était jeudi dernier. Donc du coup, on l'avait rappelé juste derrière, mais juste avec les meilleures insultes de tous les auditeurs. En fait, on avait fait un best-of avec toutes les insultes de tout le monde. Et donc du coup, ça avait donné ça, hein, pour ceux qui étaient pas là. Alors écoutez. Ouais. Nique ta mère. Va te faire enculer, salope. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quoi? Valentin. Tu me dégoûtes. Et quoi? Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant? Oh, mon petite pute. Tu me dégoûtes. T'es qui, toi? Je vais te faire enculer au PD, va. Vas-y, va baiser ta race. Je dis ça, mais je pensais pas vraiment. Ouais, bah attends. Vas-y, t'es qui, toi, déjà? Nique ta mère. T'es qui, toi, déjà, là? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Quel Valentin? À te faire enculer au PD, va. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de branleur? T'es qui, là? C'est qui la bande de bouffons? À te faire enculer au PD, va. Brawler, va. Connard, de Carlos. Vous êtes froid derrière téléphone, venez là en face. Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant? Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Connard, va. Bon, t'es qui, là? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Le tel de Valentin, espèce de tarlouse. Non, mais calme-toi. Bande de pédale, va. Tu peux aller te faire foutre? Ouais, si tu veux. T'es qui, toi, déjà, espèce de poufias? Six ma bite. Ah ouais, t'en as, c'est bien. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Ah, il avait raccroché, donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent écouter la version avec le Corse, on vous mettra ça aussi d'ici quelques instants sur Fun Radio, là, restez bien avec nous. Et puis bah, on écoutera aussi le son de Showtech, là. C'est Fanny qui l'avait demandé sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Mickaël, demandez vos sons également, hein, si vous voulez en entendre en particulier avant 2h du mat, promis on vous les met. Hier il y avait quelqu'un qui a demandé Swedish House Mafia avec... merde, j'ai oublié le titre. C'était Colin. Hein ouais, c'était Colin, mais elle avait demandé Swedish House Mafia, le titre, j'ai oublié. Anthologie. Non. Ah merde, j'ai oublié. Bon bref, de toute façon on l'avait mis, y a pas de problème. Et puis donc Fanny qui a demandé Showtech, on va vous le mettre justement. Tiens, bah Colin, on l'avait eu hier. Souvenez-vous, elle avait plus de... ses parents lui avaient retiré la radio, elle pouvait plus écouter. Donc du coup, bah elle est de nouveau là. Du coup, Colin. Salut. Putain, t'as toujours pas la radio, Colin. T'es sérieuse? Ben non. Non mais attends. Je crois que j'ai la seule radio qui capte pas. Ah, tu es la seule radio qui capte pas, c'est pratique, effectivement. Ouais. Bon, du coup, c'était quoi le titre que t'avais demandé, là, Swedish House Mafia, c'était quoi le titre? Antidote. Antidote, ouais, j'étais presque un anti-anti-anti. Non, mais j'avais dit anthologie, antidote, pareil. Ouais, c'est pareil. Hein, je sais même pas pourquoi ils ont inventé deux mots différents pour la même chose, je comprends pas. C'est vraiment perdre du temps pour perdre du temps, quoi. Enfin bon. Bon, bah, exactement. Bon, bah, Colline, bah, du coup, t'es nouveau avec nous, donc, bah, tranquille, quoi, hein, puisque t'es vieux, ils t'ont tiré la radio, donc, du coup, bah, t'écoutes dans le standard. Voilà. Le son est pas terrible, mais enfin, c'est mieux que rien. Et tu sais quoi? Ouais, Colline, je soupçonne tes parents d'avoir volé ta radio pour écouter Mickaël. C'est possible. Douce. Oui, c'est bien possible. D'ailleurs, Colline, attends une seconde parce qu'il va falloir faire la vérification à tout le monde là. Souffle un peu dans le téléphone. Pourquoi? Bah, souffle, c'est pour vérifier l'haleine. Ouf. Oh là là. Voilà, toi aussi t'as droit à ta petite. Toi aussi t'as droit à ton petit nettoyage. Ah. Je t'en remets un coup là. Voilà, un petit coup de spray comme ça, menthol. Non, mais c'est parce que tous les auditeurs ce soir ont fait une soirée spéciale bonne haleine. Voilà, donc tous les auditeurs doivent avoir une bonne haleine, c'est important. Bon, bah du coup, Colline, bah reste avec nous, hein, tu vas réagir à tout n'importe quoi. Là, il y a Karim également qui est avec nous de Marseille. Comment va le Marseillais, Karim? Oui, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquille. Hein. Bon, Karim, souffle dans le téléphone pour voir la vérification, là. Oui. De quoi? J'ai pas compris. Souffle un peu dans le téléphone pour voir. Ça y est. Oh là là, là aussi, un nettoyage. Hein. C'est gratuit, c'est menthol. Quand même pas. Ah si. C'est spray menthol, Karim, t'inquiète pas. Voilà. Eh non, j'ai fumé une chicha là-bas. Ah bah justement, alors deux fois de plus. Voilà. Je t'en remets. Parfait. Voilà, comme ça on est pas mal. Bon, et on est déjà top tweet ce soir, 23h22. Oui. On a même pas le temps de s'installer que déjà. Bon, bah merci en tout cas. Ça va trop vite en ce moment. Bah oui, ça va trop vite. Oui. Bon, bah merci à vous en tout cas avec le hashtag et Mickaël sur Twitter là. Bon, alors, Karim, toi aussi tu voulais réagir comme Adrien là, apparemment. Toi aussi t'es tombé sur une meuf avec une haleine de merde. Eh non, pire que ça. Ah, vas-y. Et, au moment de le faire, dégager une odeur très grave en bas. Oh merde. Et donc, du coup, je l'ai fait laver trois fois et ça n'a pas réussi. Donc, lentement, j'étais allé chez elle. Non, mais il y a des filles qui ont des odeurs, enfin, les mecs aussi, des odeurs corporelles assez violentes. Mais cela dit, rassurez-vous, mon spray marche aussi, les filles. Hein, si vous voulez venir, voilà, il n'y a pas de problème, je peux nettoyer. Hein. Elle m'avait dit que c'est un problème d'ovaire, je sais pas ce qu'elle m'a raconté là. Un problème d'ovaire? Du coup, le lendemain, je suis allé chez elle et. Dérèglement hormonal. De sa sœur. Ah ouais, peut-être, ouais. Attends, t'es déjà tombé toi sur une meuf qui sentait mauvais d'en bas? Ouais, ça m'est déjà arrivé deux, trois fois, mais moi j'ai remarqué en fait que, par exemple, ma bite, elle. Ça sent du monde. L'odeur change en fonction de ce que j'ai bouffé. Ouais, mais ça pour la pisse, j'avais déjà dit. Non, mais c'est vrai, pour la pisse, par exemple, c'est vrai que quand tu manges, par exemple, des smacks le matin avec du lait, quand tu vas pisser, ça sent le smacks. Non, mais je jure, c'est vrai. Moi aussi, j'ai remarqué. Elle m'a pas dit ça, hein. De quoi t'arrives? Elle m'a pas dit ça. Ah, t'as dit quoi? Elle m'a pas dit ça, elle m'a dit, en fonction de ce que tu manges, c'est parce que moi, elle adorait avaler, donc, selon ce que tu mangeais, elle me dit, c'est sucré ou pas? Oui, mais bien sûr, mais c'est vrai. C'est vrai. Même l'odeur de ta bite, elle change. Chaque fois, elle me disait ça. À chaque fois, elle voulait que je lui crasse dans la bouche, elle me disait Quelle grande classe, Karim. Mais après, si tu l'embrasses juste après, ça m'étonne pas que ce soit mauvais. Non, hein. quand même pas. En termes d'odeur, là. Non, mais c'est vrai. T'avais les dents, Non, mais attends, on sait jamais, Karim. On sait jamais. Attends une seconde. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Colline? Déjà, ça sentait les boules, déjà. Et moi, j'étais pas très content de ça. Non, mais et quand tu lui as dit, elle a dit quoi? Eh ben quand je lui ai dit, elle m'a dit, c'est pas de ma faute, hein, ça vient de l'intérieur. Hein. Bah oui, mais c'est pas de sa faute, si. Il y a maman, on peut nettoyer un truc, c'est toi, quoi. Mais après, moi, je me suis occupé de sa sœur, ouais. Elle était encore mieux. Et chez la sœur, il y avait... Karim. Ah, mais... Écoute, non, mais c'est une fille. T'es bien marseillais, toi, Karim, hein. Eh oui. Toujours parler. Allô. Ouais, Karim. Et la sœur, elle était aussi, elle avait aussi des problèmes au niveau des odeurs? Non, la sœur, elle était parfaite. Était parfaite, mais qu'est-ce qu'il y a, la sœur, elle était un peu tarée parce qu'elle voulait qu'on y aille dans une boîte échangiste. Mais non, mais elle a raison, elle voulait directement t'échanger, Karim. Attends, c'est normal. Mais moi, je l'ai partagé, moi, j'ai dit, hein. Moi, je te partage, hein. Ouais, non, ça va, moi, je cherche ça, alors. Bon, et du coup, elle a dit d'accord ou elle a pas dit d'accord? Non, mais depuis, ben là, j'étais à côté de chez elle, là, je sais pas si je veux monter. Bah, vas-y, monte. Visite et moi j'ai peur qu'elle prenne mal si je la passe au téléphone et non t'inquiète elle va bien prendre. La meuf, tu viens de dire qu'elle pue de la chatte, tu l'appelles. Ah ouais, voilà. Le téléphone, elle va bien le prendre. Tu nous passes le téléphone. Ah, tu sais quoi, à la limite, Karim, quand est-ce que t'es en haut là, quand est-ce que t'as l'appart? Eh ben là je vais voir si c'est allumé. Ouais. Si allumé ses ailes, je monte directement. Bon, alors, tu sais quoi ? Alors, attends 5 minutes, Karim, là. Comme ça, t'as le temps de monter tout ça. Ça va. Voilà, on va mettre Chotek, on va juste récupérer aussi Adrien, là, avec son problème d'odeur, là. Adrien, toujours là, Adrien. Hein. Ouais, toujours. Bon, parfait. Colin, t'as pas des problèmes, toi, au niveau de la bouche ? Ou t'es déjà sorti avec des mecs qui puent un peu de la tronche ? Je crois pas. Oui, j'en ai rencontré, ouais. Ah, mais alors, ouais, il y a ceux qui. Les fumeurs aussi, les fumeurs et les fumeuses, là, c'est une horreur. C'est-à-dire que là, en fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement habitués à avoir un cendrier dans la bouche qu'ils s'en rendent plus compte. Ah ouais. Alors, du coup, c'est dur. Bah, Lilou, par exemple, effectivement, ouais. Et c'est scandaleux. La cigarette, c'est horrible. C'est une horreur. Ça, c'est un tue-l'amour à mort. Le pire, c'est l'haleine du matin quand la meuf, elle a fumé une clope après avoir fumé. Oh là là, laisse tomber. Ça, c'est la pire. Ça, c'est la pire. Bon, bah, venez nous en parler, en tout cas, les odeurs là du matin. Venez nous en parler. 01 42 48 5000. Et 02-851 4x0. Il y a aussi le café hein, qui est pas terrible. Hein. Ceux qui boivent du café, t'en bois toi ou pas Adrien ? Ouais, j'en bois. Et alors si vous prenez café et clope, alors là, jackpot. Hein. Alors là, comment vous expliquer que c'est ça, mais voilà, c'est ça qu'il faut utiliser, mais toutes les 30 secondes. Hein. Faut mettre le spray menthol directement toutes les 30 secondes. Ah, et ouais. D'ailleurs, justement, le café, tu le bois comment toi, Polo, là, blanc, noir, enfin blanc au lait, noir. En fait, moi je aime tous les cafés. D'accord. Quel qu'il soit, mais je le préfère noir et légèrement chaud. Bon. Et très peu sucré. Bon, on va en parler dans un instant justement là. Dites-nous comment est-ce que vous buvez du café aussi. Café noir, café latte, cappuccino, etc. Puisque apparemment on en sait plus sur votre personnalité en fonction du café que vous buvez. Ouais. On va en parler dans un instant. Tu le bois comment toi, tu m'as dit Adrien ? Café cognac. Ah oui, ça j'ai pas, non mais. Ça j'ai pas malheureusement. Il a pas le temps, lui. Bon, ben reste là, Adrien. On va parler avec toi, on va parler avec tout le monde également. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Juste après le son de Chotek, on mettra le canular avec le Corse là. Et puis on va récupérer Eric aussi avec la colle de ce soir pour repartir avec votre PlayStation 3 et le jeu GTA 5 sur Fun Radio. Chotek, ça avait été demandé par Fanny sur le Twitter avec le hashtag Mickaël. C'est Boya. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air. C'est Fun Radio avec Chotek à l'instant sur Fun, c'est Bouya. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et en direct sur Fun Radio avec tous les messages qui sont arrivés là. Oh là là, il y en a beaucoup. Cédric sur le Twitter qui dit je suis déjà tombé dans les pommes à cause d'un mec qui puait de la bouche. Ah mais à ce moment-là, urgence directement ah, oui. Hein. Directement il faut le spray là avec la menthe. Tony qui dit ça promet le top 8 à 2h du matin, ça oui bah allez, c'est clair, merci à tout, à vous en tout cas. Je bois pas de café mais si je dois vraiment en boire c'est avec beaucoup de lait ou un petit peu cappuccino. Ah bah très bien, on va lire dans un instant à quoi ça correspond tout ça parce qu'on est tombé sur un truc qui en fonction du café que vous buvez on peut donner votre personnalité. Gino qui dit je vous aime les potes, la café latte pour moi Gino, très bien, on va lire ça dans un instant. Alors on arrive, on va servir mec. Voilà, Justine qui dit les profs puent souvent de la bouche, ah il y en a beaucoup. Et Clem aussi qui dit c'est sûr que si elle mange de l'échalote elle va puer de la bouche grave. Et alors My Birthday aussi qui dit tu l'as promis de me souhaiter bon anniversaire depuis hier. Oui c'est vrai, j'avais oublié. Et bah bon anniversaire à toi, elle est où ma musique de l'anniversaire? Bah je l'ai perdu. Allez, c'est bon. Voilà, bon anniversaire. Voilà My Birthday alias Célia Lopez. Alors, je sais pas quel âge tu as mais bon anniversaire. Bon anniversaire. Mais jusqu'au bout évidemment. Bon anniversaire! Voilà! Et il y a Nanou qui dit achète une radio à Colline, on se cotise. Ouais. on va gérer. Hein Colline, ce serait bien une petite radio là, non? Oui, petite radio dédicacée. Bah en plus, t'as vu, pourquoi pas? Bah tu sais quoi? Eh ben d'accord, demain on va aller en acheter une. Ouais. Moi je propose qu'on lui achète une radio avec une manivelle, comme ça les parents ils pourront même pas lui quitter les pulls. Ah ouais, bonne idée, ouais. Salut, c'est Alexandre et Pascal, on aimerait bien se faire un petit Major Lazer là. Est-ce que vous pouvez envoyer le son? Ouais, on va essayer de te checker ça tout à l'heure là. Ne bouge pas de là surtout. Et puis bah on l'avait promis là, la version Corse du canular qu'on a fait tout à l'heure là. On vous le remet le Corse, t'as écouté ouais. Toi Adrien, tu connais déjà aussi? Oui. Alors Guillaume, salut Guillaume, 19 ans de Metz, comment ça va? Salut. Ça va bien, t'écoutais l'émission jeudi ou pas? Ouais, j'ai écouté aussi. Ouais, t'as entendu comment le Corse il a envoyé chier Toff? Monstrueux. Ah bah attends, on va se le remettre maintenant. Pour ceux qui étaient pas là, alors écoutez, Toff qui voulait s'inviter chez le Corse pour pour se branler. Une petite branlette. Voilà. Amicale. Voilà, rien sexuel. Ça donnait ça. Rassurez-vous, on a eu le monsieur et madame. Ah, écoutez, c'était juste assez surréaliste. Quand on appelle en Corse, on est toujours bien accueilli, ça qui est bien. Mais j'aime beaucoup la Corse. Hein. Vive la Corse libre. Oui. Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelais pour savoir si je pouvais venir me branler chez vous. Voilà, donc là c'était accueil tranquille. Efficace. Et puis après on est tombé sur le mari, vous vous souvenez Guillaume et Colline? terrible. Oui, oui. Terrible. Et donc, voilà. Et donc le mari, là, lui, il était beaucoup moins sympa tout de suite. Hein. Alors, écoutez, on rappelait chez le mari, là, juste après. Attention. Jackpot. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pauillac. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Oh, mon Dieu. Mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. Oh, mon Dieu. On va le remettre. Vous voulez qu'on le remette encore un coup, là? Il fait 30 secondes. Allez. Bon, allez, on le remet. Voilà, on l'avait rappelé chez Corse, là, on va le remettre. Oh là là, il est juste... de chaussures. Non, mais il est magnifique. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture... Et je te fais courir jusqu'à Pauillac. Tu vas avoir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Oh mon Dieu, il était magnifique. Il était magnifique. On tombe pas souvent sur des gens comme ça. Ils sont tellement bons. Si vous avez des numéros de gens qui s'énervent aussi rapidement, balancez, hein, qu'on puisse les appeler quand on fait des conneries, là. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, allez, passons au café dans quelques instants. Avant sa retour avec Adrien et Guillaume, l'Adrien qui nous avait appelé parce que sa meuf puait un petit peu de la gueule. Et on fera la colle juste après. Ou alors t'as le temps, Adrien, on se fait la colle d'abord. Ouais, il y a le temps. Vite fait. Eric avec nous, là. Toujours là, Eric? Ouais, toujours là. Bon, parfait. Je rappelle qu'il y a la PlayStation 3 à gagner, GTA 5 qu'on vous offre et qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière. On vous le remet, on vous la remet ce soir. En plus, on vous met la PS3 qui va bien. Pour gagner, il suffit de répondre correctement à la colle de ce soir. Eric, nous sommes tout ouïes. Voilà, c'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir. Prévu pour la montagne, mais il y a un seul col qui ne peut pas et qui ne pourra jamais franchir, lequel? Très bien, je vais répéter pour ceux qui ont un peu de mal. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir. Prévu pour la montagne, il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir, lequel? Il y a Mickaël Le Meur qui proposait le parapente. Non. Non, on proposait une bite. Non plus. Non, on proposait le Mont Blanc. Non plus. Le trou du cul. Ah non plus. Le col de chemise. Non plus. Un 4x4. Bah disons c'est un véhicule 4x4 donc D'accord. Bon bah c'est pas ça en l'occurrence. Non. Bon, il y a Run de Liège aussi qui dit la réponse. C'est le col du fémur. Non plus. Non. Loïc qui dit un vélo. Non plus. Et Laetitia un pick-up. Ah non plus, non. Ça fait partie des 4x4. Voilà. Bon, bah c'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a un seul col qui ne pourra jamais franchir, mais lequel? Vos réponses, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, c'est impératif, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous voulez voir de visu la colle, rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Eric, à tout de suite. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Retour avec Adrien là. Adrien avec l'haleine. Guillaume est avec nous également de Metz. Et Guillaume, ouais. Est-ce que t'as vécu aussi la même chose toi au niveau de l'haleine? Bah, en fait, c'est moi qui l'ai vécu directement parce que quand j'étais en collège, en fait. Attends, déjà Guillaume, problème. Est-ce que tu peux souffler dans le téléphone? Ouais. Ça va. Ouais, j'en mets quand même un petit coup. Hein. Ouais, pour être sûr. Voilà, c'est juste parce que c'est un peu la fin de la soirée gentil, là, on sait jamais. C'est le Chili qui fait ça. Ah ouh, je te remets un coup là. Voilà, c'est mieux. C'est surtout demain que ça va sortir de l'autre côté. Ça va sortir, mais allez, enfin bref. Bon, alors, le Ring of Fire. Vas-y Guillaume, explique-nous. Ouais, en fait, au collège, j'avais ce problème. Je savais pas d'où ça venait. En fait, je buvais des bouteilles d'eau, je me demandais, ça pue le fromage. Après, je savais pas pourquoi. Mais en fait, finalement, ça venait de mes amygdales. En fait, je faisais des angines à répétition quand j'étais petit. Ouais, ça peut arriver. Et du coup, il y a du caséum, ça s'appelle du caséum, qui s'est formé dans les creux des amygdales, parce qu'en fait, ça a formé des creux dedans. Mmh. Et ça c'est la bouffe, en fait, qui se calait, qui formait des amas blancs. Et ça puait la mort pendant des semaines et des semaines. Mmh, ah putain, la minute biologique. Mais vraiment, non, mais, mort, ouais, moi ça m'arrive aussi de temps en temps d'avoir une haleine de merde le matin parce que tu sais par non mais c'est vrai parce qu'en fait j'ai parfois mes dents, tu sais, j'ai les gencives qui saignent et donc du coup t'as parfois du sang et donc du coup après ça pue quoi. Ah oui. Voilà, mais je dois aller chez le dentiste vendredi, je suis déjà en panique. Quand t'as la langue blanche aussi, il paraît que c'est parce que t'as un champignon, ça peut venir de là aussi. Regardez à la maison. Champipi. Ouais, regardez votre langue si elle est blanche ou qu'il y a des petits trucs blancs. Sors ta langue toi. Elle est blanche. Ben oui, elle est blanche. Non, mais du coup, je psychote à chaque fois. Attends, d'abord, ouvre la bouche. Voilà. Oh, remets-en un peu là. Oui, là. Bah d'accord, ok. Voilà, j'en ai remis un petit coup là, on était pas mal. Très bien, j'ai plus de la gueule. Donc. Oui, un petit peu. Effectivement, on n'osait pas te le dire, mais puisque tu proposes, effectivement, on te le dit. Vaut mieux être sûr. Donc, et donc, Guillaume, donc, du coup, tu t'es fait enlever les amygdales, toi ? Et ouais, totalement, ouais. Et ah bah. Une souffrance atroce. Bah, tu m'étonnes, ouais. Bah, attends, ah, 13 ans, d'accord. Bah, moi, je vais chez le dentiste, ouais. Je suis aussi en panique, hein. Je vous en parle dans un instant. Si d'ailleurs vous êtes dentiste, appelez-moi pour me rassurer ou pas. Dentiste, moi. Ah, c'est dentiste ? Ouais. Parfait, bah alors Adrien, tu vas m'expliquer dans un instant, là. Bouge pas, Adrien. On va se mettre dans un instant Britney Spears sur Fun Radio. Mickaël No Limit tous les soirs sur Fun. On est là jusqu'à 2h du mat, en top tweet déjà depuis 23h, merci à vous. Et puis, bah, venez également nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No Limit. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. Mickaël No Limit. Là, c'est parti pour la nuit sans pub. Plus de pub jusqu'à l'arrivée de Bruno. Ce sera demain matin à partir de 6h sur Fun Radio. Bruno dans la radio qui vous rembourse vos factures également. Merde, j'ai oublié de prendre les factures avec mes amendes. Putain, j'ai oublié. On va lui mettre en loose dé. Ouais, j'ai oublié. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, si vous voulez vous faire rembourser vos factures, là, funradio.fr, allez-y pour vous inscrire. Dans un instant, on récupère notre ami Adrien avec sa meuf qui pue de la gueule, avec Karim qui devait annoncer à sa copine en direct. Que effectivement au niveau odeur c'était un petit problème hein, justement. Et puis nous aurons le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Et oui, ça aussi ça va arriver dans quelques instants sur Fun Radio. D'ailleurs si vous voulez vous inscrire au chéri, je peux te faire cocu, on appelle votre copain, votre copine pour lui faire croire que vous avez envie, vous lui demandez la permission de coucher avec quelqu'un, donc vous lui dites pas que vous avez déjà fait, hein. C'est vraiment de lui demander sa permission de coucher avec quelqu'un d'autre. Exceptionnellement, s'il s'énerve, eh bien il y a les cadeaux pour vous, c'est pas compliqué. Pour vous inscrire, 01 42 48 5000, vous appelez Sandro maintenant au standard, donc vous soyez en France. Chéri, je peux te faire cocu dans un instant. Les teupés de la télé également. C'est juste après le son de Britney Spears que vous avez découvert dans Mickaël No Limit. C'est Work Bitch sur Fun. Bonne soirée tout le monde. Ah, t'as été coupé mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Florian. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Oui, il était un peu énervé. Il était un tout petit peu énervé, le monsieur qu'on avait appelé là pour aller en Corse. Il a pas aimé Britney? Non, bah apparemment pas. Hein. Bon, bah tant pis pour lui, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Il y a le prince Nadia qui dit la dernière fois que j'étais chez le dentiste, je m'accrochais au siège. Je poussais des petits cris de terreur là. L'horreur, je déteste. Oui, non, mais moi aussi, effectivement. Mais je vous explique dans quelques instants aussi comment ça s'est passé. On va d'abord reprendre Karim là. Karim qui devait monter chez sa copine pour lui dire Karim, t'es là? Oui, je suis là. T'es déjà monté chez ta copine? Eh ouais, je suis monté, mais bon, elle m'a dit il y a les enfants qui dorment et tout. Et... Oh merde, oh dommage, dommage. Mais elle écoute, hein, elle m'a dit qu'elle écoutait et tout. Ah d'accord, bon, ok. Après, donc, voilà. Du coup, tu lui as dit alors qu'elle avait un problème au niveau des odeurs? Non, moi, de toute façon, j'ai tout le temps parlé de ça avec elle. Donc après, voilà, elle sait très bien mon point de vue. Et après, moi, je lui ai dit. Mais ça sent quoi? Ça sent quoi? Ah, ça sent les moules. Moi les moules frites, j'en ai marre de manger ça, donc de ressentir encore ça avec une fille. Moi, tu sais quoi, t'as qu'à la présenter à Polo parce que lui il adore, lui, écoute. Ah ouais. Tu vois. Et là on est en bas de chez elle. Ah, c'est Stromae avec Polo et les boules frites. Magnifique chanson. Hein. D'ailleurs, Polo vient du Nord hein, parce qu'ils ont battu le record du plus grand paquet de frites. Oui, exactement. C'est vrai en plus. Bon, du coup, Karim, bon bah tant pis. Alors si tu l'as déjà dit, c'est pas grave. Ouais, là, je l'ai déjà dit. Mais après voilà. Après moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rappeler là. Oui, quand tu veux. Ouais. Et vous la passez et tout. Et donc du coup, faudra lui conseiller quelques trucs pour lui. Sans problème. Bah moi déjà, ce que je peux lui conseiller, c'est ça. Un petit coup de spray, menthol éventuellement, ça peut aider. Bah merci et Karim, hey, tu nous rappelles quand tu veux, dès que t'as ta copine, tu nous rappelles. Soucis, ça marche. Il n'y a pas de souci. Salut Karim. Allez, merci beaucoup. Allez, ciao. Et allez Marseille, hein, Karim. Hein. Allez Marseille. Et allez, oui, Marseille. Paris. Salut Karim, ciao à toi. Bon, Guillaume est toujours là avec nous, là, Nicolas également, là, qui nous avait appelé aussi par rapport à Adrien, qui donc est avec une meuf qui pue de la gueule, hein, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques instants. Alors Nico, sois le bienvenu de Tarbes. Allô Nico, ça va? Ça va, et lui se dit bonjour à lui-même. Salut Nico, ça va ou quoi? Ah, je suis beau gosse de Tarbes, tranquille. Non, de Tarbes. Ah, de Tabre. Ah, d'accord, ok. J'ai incendié son drone, je pensais qu'elle s'était gourée. Non, les 100 habitants, ils disent pas la même. Ah oui, d'accord, dans l'Ariège. Tabre, ouais, d'accord. En fait, c'est, vous vouliez mettre Tarbes, mais vous vous êtes dit, bon, on va faire l'enfume. C'est, ouais, en fait, c'est la ville qui vient de Thaïlande. Tu vois, ils ont inversé deux lettres. Faire comme Tarbes, mais en fait, c'est Tabre. D'accord, c'est pourquoi pas. Des villes. Pourquoi pas. Bon, alors Nico, toi, tu nous appelais aussi par rapport aux odeurs, toi, c'est quoi l'histoire? Ouais, c'est ça. Ben, après, j'étais posé avec une meuf il y a 3 mois, comme ça. Ouais. Et donc je suis allé chez elle pour la première fois, on s'est posé sur son lit. Tu vois, c'était un peu une chaudasse quand même, tu vois. Mm-hmm. Donc on s'est posé sur son lit, et bon, il s'est passé ce qui devait se passer. Et après, je suis allé fumer une clope. Elle a joué aux cartes. Voilà. Ouais, elle a joué aux cartes, c'est une petite belote et tout. Et après, je suis allé fumer une clope, elle aussi. Et bon, je vais me brosser les dents avant d'aller au lit, je dors et tout ça. Et le lendemain, elle se réveille, mais elle m'a sauté dessus. Elle m'a roulé une pelle, sauf qu'elle n'était pas brossée les dents. Alors, j'avais l'impression... Ah, je te raconte même pas l'odeur, tu peux pas t'imaginer. Surtout qu'après, c'est la salive est un peu... Ah ouais, pâteuse. C'est ça, okay, j'avais l'impression de rouler une pelle. Ça mais ouais. Parce que du coup, elle a bien macéré dans la bouche, tu vois, toute la journée, enfin toute la nuit. Elle a fumé plus des glaires de la nuit. Tu sais. Ah, quelle horreur. C'est pour ça que moi, je bave la nuit, ça permet de renouveler. Oh, quelle horreur. Ouais, c'est vrai. Mais après, t'as l'odeur qui traîne aussi, hein, qui est pas terrible. Après, j'ai foutu des refoules toute la journée, quoi. Oui, mais voilà. Non, mais c'est ça. Quelle angoisse. Et tu lui as dit, Nico, ou pas? Non, mais elle a ressenti, c'est qu'à chaque fois qu'elle essayait de m'embrasser, je tournais la tête, quoi. Mmh, oui, attends, mais oui, je t'embrasse sur le front, t'inquiète pas, je te fais un bisou sur la joue. Je te serre la main. Ah, tu vois, finalement, elle a pas les dents. Tu vois qu'il y a Pierre, Adrien. Ouais, il y a Pierre. Attends, on sait jamais, il y a aussi Teddy qui est avec nous d'Albi, là. Salut, Teddy. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va tranquillement, hein. Tranquillement. Il y a des messages aussi qui arrivent là, t'en bouge pas, hein, par rapport à la laine. Où est-ce qu'ils sont plutôt? Voilà. Squee sur le Twitter, c'est nouveau ça. Mon ex qui dit, je lui dis que je l'embrassais plus tant qu'il n'avait pas les dents, pardon, et elle m'a largué. Ah bah ouais, mais attends, en même temps, c'est un conseil. Ouais. Après, ça dépend comment tu lui as dit. Aussi, ouais. Mister Steven aussi sur le Twitter qui dit, si seulement ça se réglait aussi facilement les problèmes d'haleine, ce serait pas mal. Mais oui, ça se règle facilement là. Allez, ouvrez tous la bouche chez vous. La ouvrez. Voilà. Comme ça vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'il y a aussi, Nanou qui dit mort de rire l'odeur d'un parfum, Mickaël? Ben, ça peut être une idée. De nuit des Malabars, c'est Jean-Philippe qui proposait ça. Nanou encore qui dit inspection de la bouche ce soir, exactement. D'ailleurs, t'as pas soufflé dans le téléphone, Teddy? Voilà, je t'en mets une petite couche également. Nicolas non plus, vas-y, souffle. Parfait, voilà, comme ça vous pouvez passer l'antenne. Non, mais on est mieux comme ça, c'est mieux, c'est. C'est l'inspection. Et Gabriel qui dit, moi je pue de la gueule, c'est horrible. Bah, elle fait quelque chose si tu le sais en plus. Bon, Jennifer aussi qui dit hommage à toutes ces personnes qui ne supportent ça, qui supportent ça, sans jamais l'avouer. Mais il faut l'avouer, il y a un moment, sinon c'est une galère. Mickaël, je vous écoute depuis hier, c'est un pur régal. Bah, sois le bienvenu. Bienvenue également à tous les nouveaux qui débarquent au fur et à mesure. Vous êtes les bienvenus chez vous, c'est comme ça que ça se passe tous les soirs sur Fun Radio, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et bien entendu aussi le dimanche de 20h à minuit, comme tu as pu le remarquer hier. Si tu nous as écouté hier pour la première fois. Bon, Teddy, alors c'est quoi l'histoire, toi? Alors, en fait, j'étais une soirée. Ouais. Et puis, la soirée se termine et on dormait sur place. D'accord. Alors, je commence à dormir avec une fille. Ouais. Et puis, on commence à s'embrasser et tout, normal. Et puis là, elle commence à enlever sa culotte. Et puis là, il y a une sale odeur qui sort. Et j'ai regardé, il y avait du fromage partout. C'était trop horrible. N'importe quoi, t'es dit. Quelle dégueulasserie. Ah, c'était dégueu, c'était horrible. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, ça m'est arrivé, la meuf, en fait, elle se rasait pas, quoi. Donc elle avait la forêt vierge au milieu des jambes. Et ça avait une odeur. Bah oui, sans déconner. Non, mais c'est normal, même avec la transpiration de la journée. Oui, même si tu te laves tous les jours, avec la transpiration de la journée, le soir, ça peut pas sentir bon, c'est normal. C'est clair. Ils font des déodorants pour les filles. Je sais pas s'ils font pour les mecs. Et maintenant, il y a du déodorant. On met en bas? Ouais. Bah, bien sûr, il est là, regarde. Voilà. Et t'as des lingettes aussi, hein. Mais bien, justement, j'ai une lingette. Mais il paraît qu'il faut pas en abuser. Non, c'est mieux de pas en abuser, effectivement. C'est pas bon pour les muqueuses. Il y a Clem qui dit, mais les gens, est-ce que vous vous lavez les dents? Il y a plein de crasseux. Non, mais c'est vrai. Moi, pour le coup, je fais 2 fois par jour, hein, matin et soir. J'aimerais bien 3 fois, mais c'est compliqué d'avoir la brosse à dents avec nous. Moi, je fais 3 fois par semaine, ça suffit. Hein. Oh, ben, réouvre la bouche. Voilà, c'est mieux comme ça. Et Les Biflux qui dit tabac plus haleine de la nuit égale vomi. Non, tu as oublié également le café au milieu. Et puis Nano qui dit c'est chaud, plus de la gueule, tout le monde fuit. Bah oui, c'est normal. Et puis Manon qui dit coucou, moi j'ai été opéré. Ah oui, les amygdales aussi, il y a pas longtemps, le 16 septembre, j'ai juste trop mal et je parle comme un pingouin maintenant. Bon courage Manon. Bah et oui, bah c'est un peu comme Guillaume, c'est toi qui t'es fait opérer hein. Ouais, je confirme, c'est exactement ça, un gros chewing-gum. Exactement, exactement. Note, après, tu peux avoir une haleine de mer quand on t'enlève les dents de sagesse. Hein. J'ai vécu ça aussi, là, au pareil, début, c'est dur. Hein. Ouais, mais c'est parce que tu peux rien faire. Ouais, parce que tu peux difficilement te brosser les dents, t'es obligé de boire des trucs, liquides, du coup, ça reste coincé dans le trou. Enfin, c'est une horreur. Hein. C'est dégueulasse. Ah, tu dégueulasse. Vas perdre un petit peu de poids, alors. Ah, du coup, ouais, ah, mais c'est ça, c'est bien. Un bon plan, hein, l'opération des amygdales. Du coup, j'avais été, pour fêter ça, j'avais été chez Quick, j'ai pris un Giant et je l'avais mixé. Ah non mais c'est vrai, j'avais envie, j'avais plein de cul de la soupe. Mais ça avait quel goût? Bah ça a goûté un Giant. C'est vrai? Bah oui. En liquide? Bah oui, c'est du Giant. Ouais, je sais pas, ça me paraît chelou en fait. Non mais après, bon c'est pas beau hein. Mais après tu le mixes, tu le bois et ça a le goût de Mojito. Ouais. Non mais psychologiquement ça me fait bizarre. Mais non mais c'est vrai, c'est bon. Ça doit... enfin, c'est bon. T'avais pas envie de gerber? Non, bah non, franchement j'étais content, je buvais de la soupe et puis je sais pas combien de temps là, ça m'a saoulé aussi. Non mais c'est vrai. Bon bah merci en tout cas Guillaume, Nico et Teddy. Hein. Merci d'être passés tous les trois. Et vous revenez quand vous voulez. Salut les gars. Un petit dédicace les gars. Allez, alors vas-y Teddy, on va te filer Sandro au standard. Tu vas gérer ça avec elle pour le pack fun. Guillaume, vas-y. D'accord. Pour la dédicace. Une seule personne, ouais. Comme d'hab, tu connais le principe. Pas de soucis, une dédicace à la RTS. On se fait chier les mecs. Très bien, et ben on embrasse tout le monde à Metz, de la Moselle. Quoi Guillaume? Tu peux avoir un pack aussi. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro aussi au standard. On te repasse Guillaume. Salut Guillaume, à bientôt Nicolas. Ciao. Salut, ciao à vous. Et Adrien, bah merci à toi aussi d'être passé. Et pareil, tu reviens quand tu veux. Voilà, bonne soirée Adrien. Allez, à bientôt. Ciao. Je vous rappelle qu'il y a également l'iPhone 5C là. Et en plus, profitez-en, parce que hier soir on a fait l'émission de 20h à minuit. Il y avait évidemment beaucoup plus de monde. Là, profitez-en si vous voulez pécho. L'iPhone 5C bleu ou rose, à vous de choisir. Facebook.com/MIKL officiel. Suffit d'aller faire un like, on fera un tirage au sort tout à l'heure avant la fin de l'émission. Donc passez le message tout simplement autour de vous. On revient sur le café là maintenant là. Alors, Polo, t'avais dit que tu buvais du café noir, quoi, c'est ça? En fait je les bois tous au lait. Froid, sucré. Mais ton préféré? Le café noir. Café noir, ouais, d'accord. Avec un petit peu de sucre, mais léger. Bon, très bien. Alors, le café noir, puisqu'on était tombé sur une étude qui expliquait en fonction du café qu'on boit, qui on était, voilà, justement. Et donc, le café noir, alors, il est là-dedans aussi. Café noir, ils sont très sensés et opposés au changement. C'est exactement Polo. Ouais. Je vous explique le pourquoi, sensé éventuellement, mais alors, le opposé au changement. Il y a deux jours, Polo a un iPhone, il y a deux jours, la nouvelle version de l'iPhone sort, l'iOS 7, bref, hein, on va pas rentrer dans le détail. Et donc je dis à Polo, vas-y installe-le. Non, je veux pas. Je dis, pourquoi il y a plein de nouvelles fonctionnalités? Faut savoir qu'il est encore la version 5, ouais. On a fait la 6 et la 7. Hein. Donc non, je veux pas, il commence à s'énerver. Je dis, mais c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, c'est une version officielle, il n'y a pas de problème. Non mais je veux pas, je dis, mais pourquoi tu veux pas? Parce que, j'aime pas. Alors qu'il a jamais essayé, donc tu vois, c'est effectivement ça, donc opposé au changement. Mais non, c'est dans le vintage. D'ailleurs, Polo change de place. Non, je vais rester. Tu vois, il veut pas changer de place ensuite. Ah non, mais il est moche celle-là. Là. Il est là, il veut pas bouger de sa place. C'est un truc de fou, quoi. Si tu veux, je bouge, mais ça va me faire bizarre. C'est dingue, c'est absolument dingue. Colline, tu bois du café toi ou pas? Ouais. Tu bois quoi comme café? Café latte, enfin café au lait, noir, café cappuccino. Avec du sucre et café chantilly. Café chantilly, c'est cappuccino. C'est quoi c'est café? Ouais, c'est cappuccino. Cappuccino. Café avec de la chantilly dessus. Ça s'appelle un café viennois. Ah, viennois, mais ça j'ai pas malheureusement. Ah, bah tant pis, bah oui, mais j'ai pas tout. Attends, on a Thomas aussi dans un instant. Tu bois du café, Thomas, toi? Thomas? Bon, on va le rappeler. Eric? Oui? Ah, tu bois du café, toi, Eric, ou pas? Énormément. Énormément, tu le préfères quoi? Noir, au lait, cappuccino? Espresso. Espresso, fait chier hein. Espresso c'est noir. Ouais c'est café noir, ouais d'accord. Attends ouais, Adrien on va le reprendre, noir. On l'avait dit au revoir mais c'est pas grave. Adrien. Ouais. Tu bois quoi comme café toi? Bah je reste toujours sur le café cognac moi. Ah oui c'est vrai, oui tu m'avais dit café cognac. Mais quand t'as pas de cognac tu prends quoi quand tu vas dans un café normal? Café pur, sinon je bois pas. Café pur noir aussi. Et puis il y avait un message aussi de Junior là sur le Facebook qui avait dit qu'il buvait lui café au lait, donc café latté, c'est ça. Et donc lui, alors pour ceux qui boivent du café latté, comme moi au final, vous aimez faire plaisir aux autres, mais vous pouvez parfois être un peu névrosé. Tu m'offres un iPhone? Merde. Tu vois, c'est pas vrai, raconte que de la merde dans ses études. Arrête, c'est faux, c'est totalement faux. Bon, Thomas, on l'a récupéré, tu bois du café, Thomas? Non. Jamais de café, bon très bien. Et puis il y avait le cappuccino pour ceux qui en boivent. Hein. Vous êtes sensible, perfectionniste et vous êtes préoccupé par votre santé. Ah. Voilà. Et si vous préférez le café instantané, vous êtes plutôt décontracté, détendu. Et donc ceux qui l'aiment froid, parce qu'il y en a qui l'aiment froid ou sucré, sont généralement des lanceurs de tendance. Voilà, donc si vous êtes si vous buvez du café froid, vous êtes plutôt in. Voilà, vous aimez lancer les tendances et les modes. Ah bah non. Ouais, c'est bizarre, voilà. C'est bizarre que Polo boive pas de café. Oui, oui café c'est bizarre. Hein. C'est ouais. Non, mais ça lui va très bien. Il est opposé au changement. Le café noir, ça lui va très bien. Bon, dites-nous ce que vous voulez comme café. Comme ça, je vous dirai qui vous êtes. Vous envoyez vos messages maintenant en Facebook et Twitter. Vous tapez le hashtag et Mickaël, on vous attend. Et venez nous rejoindre également. Si vous m'ajoutez, si vous me faites un follow sur le Twitter, eh bien, je vous follow également. M-I-K-L officiel. Pareil pour le Facebook. Vous venez également nous rejoindre. Vous tapez Mickaël officiel. Bon, Colline, qui est toujours la VIP dans le standard, puisqu'elle a pas de radio, donc elle écoute l'émission via le standard. Toujours là, Colline. Oui, toujours là. Très bien, bah, tu vas rester là. On aura Thomas, on parle de quoi dans un instant avec toi, Thomas ? Des économies, d'accord, ok, très bien. Thomas, bouge pas de là. Et Eric aussi. Je rappelle qu'on donne la réponse à la colle avant 12h30. Et dans 5 minutes, Eric, juste après le son de Avicii, tu vas nous répéter encore une dernière fois la colle, Eric ? Oui, y'a pas de soucis. Parfait, eh ben reste là, Eric. Dans un instant, la colle, le chéri, je peux te faire cocu. Et les teubés de la télé. C'est juste après le son d'Avicii sur Fun Radio. Sans pub jusqu'à 2h du mat. Soyez les bienvenus, Mickaël No Limit. C'est 23h, 2h sur Fun Radio. Feeling my way through the darkness. C'est Avicii sur Fun, minuit 8. Bienvenue tout le monde. 23h, 2h. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Bienvenue. Si vous arrivez, il n'y a pas de pub. Là, on est toujours en top tweet sur Twitter. Fait gentil. Jason qui dit le top tweet ne bouge pas, il est à nous. Effectivement, ouais. Il est plus à vous qu'à nous d'ailleurs. Henri aussi qui dit s'il te plaît, un petit Linkin Park juste après. Comme ça, après, on n'en parle plus. Eh bah écoute, si tu veux, on va te le caler le Linkin Park avec. Comment ça s'appelle encore ? Linkin Park et Steve Aoki dans quelques instants sur Fun Radio. Suffit de demander, pas de problème. On va te le mettre, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'ai fait découvrir la semaine dernière. Linkin Park et Steve Aoki. A Light That Never Comes sur Fun. Voilà, ça va arriver, pas de problème. Et puis The Prince, le Prince Adia qui dit aussi une demi-heure de retard pour moi, un coup de fouet s'il te plaît Mickaël. Alors j'ai pas le fouet là, mais par contre un coup de pèse dans la gueule. Avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Bravo les trois en retard. Et Flo aussi qui dit en top tweet dédicace s'il te plaît. Eh ben c'est fait, merci à vous. Et alors un message aussi qui est arrivé, où est-ce qu'il est, je ne sais plus. Il y a Dams qui dit 9 fils de pute et 8 ta mère. Au top le garçon. Ah oui, c'était par rapport. À la Milan-Soie. À la Milan-Soie qu'on a eu tout à l'heure, effectivement. Bon, allez, c'est parti maintenant. On est un petit peu à la bourre parce qu'on fait ça à minuit d'habitude, mais c'est pas grave. On va se faire, évidemment, maintenant les teubés de la télé. Et puis, on va commencer, évidemment, avec nos amis de l'île des vérités. Et oui, c'est Beverly. Et oui, c'est Beverly qui nous explique ce qu'elle aime, en fait, dans le golf. Au golf, c'est pour la voiturette. C'est pas pour faire du golf. Genre, j'ai une tête à mettre une balle dans un trou. Non, mais attends. Voilà, donc elle joue au golf pour la voiture. C'est normal. Passons donc sur NT1, on a eu une bonne rediffusion de Confessions Intimes, j'adore, avec des bonnes expressions que personne ne connaît, bien entendu, sinon c'était pas drôle. C'est fatigant, j'en ai plus que la casquette, quoi. Ça me rase. Ça me rase. J'en ai plus que la casquette et ça me rase. Et alors je vous l'ai promis hier pour ceux qui étaient avec nous, le commentateur de basket sur Canal qui nous a fait rêver en quart de finale. Alors écoutez, hein, on se rappelle ça, c'est les quarts de finale. On est champion d'Europe. Ah non merde, excusez-moi, c'était celui-là le quart de finale, je me suis gouré. Oui, oh, Nico Batum. Oui, Nico Batum. Voilà, il nous avait aussi vendu du rêve avec les demi-finales. Ah, il a trouvé de la dureté face à lui, Marc Gasol, avec Flo Pietrus. C'était hier. Le chelot à 3 points de Tony Parker. Calderon, c'est raté. Prenez-moi ce rebond. Le rebond, il est pris. Elle était contente. Prolongation. Hein. Gasol qui prend un shoot n'importe comment. C'est raté. Et la France est en finale. Voilà. Donc vous imaginez qu'effectivement arrivé en finale, ça a été l'apothéose. L'artifice. Eh oui, exactement. On est champion d'Europe. Oh, il a été moins au taquet. Il n'y avait plus de voix. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a peut-être plus de voix aussi. Ça vient peut-être de là. Voilà, teubé de la télé, c'est plié pour aujourd'hui. On va le couvrir demain. Si vous tombez sur des sons drôles, d'ailleurs, la journée, si vous regardez la télé, dites-nous. Hein, bien sûr, vous me faites un mail mikael@funradio.fr. Et puis, attends, de quoi ? Ah oui, on va se faire le chéri. Je peux te faire cocu dans un instant. On aura la réponse à la colle. Et puis, on a d'abord Eric pour reparler de la colle. Eric. Oui. Alors, très bien, de Courbevoie toujours. Peut-être ouais, pour toujours. Gagner donc la PlayStation 3. Maniez-vous, il reste 20 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les iPhones. Ouais. Ça marche également pour la PlayStation. Si vous voulez jouer avec nous et repartir avec votre PlayStation, il faut répondre à la call. Vous partez avec la PlayStation et le jeu GTA. Alors, hier, on a fait 20h minuit, donc forcément, il y avait du monde. Ce soir, on est plus entre nous. Il y a moins de monde parce qu'il est tard. Donc, si vous voulez jouer, bah, c'est peut-être le moment ou jamais. Bon, alors, Eric, répète la call, s'il te plaît. Donc c'est un véhicule qui peut ouais. être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Ouais. Il y a un seul col qui ne pourra jamais franchir, lequel ? Voilà, je répète encore un coup quand même pour ceux qui n'ont pas capté. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir, lequel ? Rapport à l'anatomie. Voilà, on ne dit pas plus. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je répète, c'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir, lequel ? Vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse, au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors, des réponses sont arrivées. Il y a... où est-ce qu'il est ? Le col de Sarrou. Non, c'est pas non. ça. Bon, le col du bonhomme, c'est Frédéric. Non. La bouche. Non. Loïc qui proposait un bateau. Non plus. Une aiguille. Non plus. Le nombril. Non plus. Le col infranchissable. Oui, forcément, s'il n'arrive pas à le franchir. Bah, non. C'est, mais c'est pas ça. Voilà, attends. Land Rover ou Range Rover, c'est Nicolas de Reims. Non, mais tout ça, c'est des marques de 4x4. Bah, c'est ça. Un magot. Non. Le col de l'arzelier. Non plus. Le col roulé. Non plus. Le véhicule est un vélo qui peut être de luxe ou de loisir. Il ne peut pas franchir le col de l'Himalaya. C'est Alex du 72. Non, carrément à côté. Tu vas chercher un peu trop loin, toi, il me semble. Hein. Bon, je pense que tu vas chercher un petit peu trop loin. Bon, eh ben écoute, si vous avez la bonne réponse, allez-y, hein, vous balancez maintenant M.I.K.L. espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous voulez revoir la colle écrite, hein, ça peut être plus facile si vous la lisez. Elle est disponible sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M.I.K.L. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir, lequel ? On donne la réponse dans moins d'un quart d'heure, Eric. Tu restes avec nous ? Ok, y a pas de souci. Bon, bah parfait, là, bouge pas de là. Et puis, bah bonne chance tous les autres. Réponse dans moins d'un quart d'heure. Donc, allez-y, jouez si vous voulez choper votre PlayStation 3 et le jeu GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir depuis la semaine dernière. Puisque je rappelle que bah ce soir, on fait l'émission de 23h à 2h et que forcément, mathématiquement, il y a moins de gens qui écoutent que quand on fait le dimanche de 20h à minuit. Donc, si vous voulez jouer, vous aurez peut-être plus de chance, allez savoir. On va faire aussi un petit test dans un instant là parce que je vais faire passer un article sur Facebook. Je sais pas si tu l'as vu, Eric. T'es sur Facebook ou pas toi ? Oui, bah là je suis dessus là. Très bien. Bah il y a un Français sur 10 en fait qui ne sait pas ce qu'est un ou une clitoris. Non mais c'est un truc de fou. Mais alors, non mais c'est vrai. Ah, tu sais ce que c'est un clitoris ou pas ? Bah ouais, heureusement pour moi quoi. C'est quoi ? Bah disons, c'est le petit bout de chair que la femme a là, bah disons c'est la trompe quoi, c'est ça le clitoris. Petit bout de chair, bon attends, on va demander aux autres aussi, donc envoyez-moi vos réponses. Qu'est-ce qu'un ou une clitoris ? Vous envoyez ça au 64 900 débuté par Mickaël ou au 3044 aussi, pareil, débuté par Mickaël pour la Belgique. Et puis dites-moi aussi bah voilà, ce qu'est un ou une clitoris. Je vous donne les réponses qu'on aura eues par SMS et celles également de l'étude. Voilà, vous pouvez aussi poster vos réponses sur le Twitter et sur le Facebook. Vous tapez le hashtag Mickaël, bien entendu, il n'y a pas de problème. On fait ça dans un petit instant. Bon bah tu bouges pas Eric et puis on va appeler des gens aussi du coup pour leur poser des questions. Mais je vais essayer d'expliquer. Ouais, où se trouve le clitoris. Bah voilà, c'est ça, je pense exactement. Besoin, la France en a besoin. D'ailleurs, on a déjà reçu des numéros de téléphone. On va peut-être en appeler un ou deux là maintenant. Tiens, bah on va appeler maintenant. Tiens, directement, ça me paraît pas mal. Ah, t'es chaud comme ça. Bah ouais, on a reçu des numéros de téléphone, donc on va appeler direct. Bah allons-y. Alors. Bah c'est parti. On fait ça. Tu bouges pas, Eric. Non, je bouge pas. Bon, parfait. On aura le chéri. Je peux te faire cocu là juste après. Colline, c'est bon. On appelle. T'es prête? Oui, je suis prête. T'écoutes toujours l'émission là, hein ? Tu t'endors pas ? Bien sûr. Bon, Colline qui n'a plus de radio, ses parents lui ont confisqué, du coup elle reste dans le standard tous les soirs depuis hier pour écouter Fun. Et t'as vu, t'es bien accueillie, hein ? T'es bien installée, Colline ? Ouais. Très bien, t'es sûre, hein ? Parce que je t'entends très très loin là, t'es à moitié endormie là, Colline, hein, il me semble. Mais pas du tout, il y a mon père qui m'en... Ah d'accord, ok. Restons discrets. Et chut, tout le monde, taisez-vous, chut. On va parler comme ça jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, ok. Pour être sûr que ça réveille pas les parents de Colline. N'appelez pas au standard, ça va faire du bruit. Si, appelez au standard, faites travailler Sandro. Faites travailler Sandro, bien sûr. monsieur. On s'en fout. Faites poser Sandro, ça va coller, non. On parle pas trop fort. Ça va. Comment? On t'entend mal. Non, non, ça va. D'accord, alors t'as bien, c'est parfait. Donc chez vous non plus, faites pas trop de bruit. Chut, on reste comme ça tranquillement, voilà. Restons comme ça jusqu'à 2h, on est bien. Non mais c'est vrai, comme ça au moins on réveille personne. Au top, c'est mieux comme ça, effectivement. Parfait. Et donc tous ceux qui ont mis le volume plus fort pour nous entendre. Bah voilà. Voilà. Comme ça on revient aux choses un peu normales. Bon, on appelle, Tof, t'es prêt? Moi je suis prêt, on y va. Bon, très bien, on appelle donc pour savoir ce qu'est un clitoris ou une clitoris. C'est ça. Puisque visiblement, un Français sur 10 n'est pas au courant. C'est dingue. C'est incroyable quand même. Bon, on y va, on appelle. Un Français sur 10 qui le sait. Qui le, pardon, un Français sur 10 le sait et 9 sur 10 ne savent pas où ça se trouve. Et ne savent parfois même pas ce que c'est. C'est ouf. On appelle, c'est parti. Merci pour les numéros que vous avez envoyés. Hein. Donc si vous en avez d'autres à envoyer, là, n'hésitez pas. Des gens corps de bois à cette heure-ci de préférence, forcément. 01 42 48 5000 ou 02 851 4 fois. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. En fait, voilà, je vous appelais pour savoir si vous saviez où était Clitoris. Ah, elle est retournée chez elle. Ah oui, donc vous pensez que Clitoris, c'est quelqu'un ? Oui. Ah oui, oui, oui. Bon, alors, comment je vais vous expliquer ça ? En fait, Clitoris, ce n'est pas quelqu'un, c'est un organe de votre femme. Ah bon ? Oui. Hein ? Est-ce que vous faites l'amour de temps en temps à votre femme ? Non, plutôt à ma chienne. Ah oui, oui, vous faites l'amour à votre chienne, oui, oui. Forcément, c'est plus compliqué alors. Bon. Ah oui, mais il est content, le chien, évidemment. Petit chien, quand même. On va le rappeler quand même, hein. Non, oui, oui, c'était très classe. Oui, on va le rappeler encore un petit coup. La délicatesse et la finesse. Oui, oui, donc je disais 02-851, 4x0 pour la Belgique, hein, pour balancer des numéros de téléphone de gens qui sont encore debout à cette heure-ci qu'on peut appeler. On y va, c'est parti. On rappelle. Attends, je raccroche deux secondes. Colline ? Oui ? On peut pas appeler tes parents, toi, non, pour leur poser la question, non ? Non. Ah merde, bon bah attends, tu vois, tu nous aides pas, Colline. T'es en VIP ici, tu nous aides même pas. Bon, on rappelle, c'est parti. Retour chez cette charmante personne qui se tape son chien, c'est pas très bien ça quand même. Oui ? Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Bon, vous n'avez que ça à faire, moi j'ai autre chose à faire, donc... Mais pas du tout, monsieur, c'est pour votre culture générale. Mais excusez-moi, mais j'en ai assez, donc c'est bien comme ça. Bonsoir, monsieur. Mais pas du tout. Allô, monsieur ? Il s'en fout, il en a assez. Il en a assez. Bon, allez, c'est pas grave, on va faire ça dans un instant, justement, on va encore rappeler des gens d'ici quelques minutes. Et puis on va parler également de quoi dans un instant, Thomas qui est avec nous là, on parlera de quoi dans un instant avec toi ? Des économies. Mais c'est-à-dire un tout petit peu plus en détail. Bah, je cherche à économiser, mais je trouve pas le moyen de gagner de l'argent. Ah merde, ah tu veux économiser toi ? Tu veux t'acheter quoi ? C'est pas pour moi en fait, c'est pour mon frère. Oh, en plus c'est pour faire un cadeau. Bon, allez, parlons maintenant à tous les rats qui nous écoutent là maintenant. Qu'est-ce que vous avez comme beau conseil pour économiser ? Ah mais c'est vrai, tous les radins là, tous les rats qui sont là tout près de leurs sous, etc., qui Nickel, veulent pas dépenser un rond. Tu peux appeler au standard quand même. Non, vraiment pas, parce que le pire c'est que je suis pas radin, mais tout le monde le pense, mais c'est faux, totalement non, faux c'est d'ailleurs. Non, pour les bons plans, économie, ah, pour les bons plans c'est différent. Assez balèze, quand même. Ah pour les bons plans c'est différent. Bon, je suis un peu Robin des Bois, moi j'aime bien voler le riche pour donner aux pauvres. C'est vrai, c'est vrai. Bon, donc si vous voulez donner des conseils à Thomas, hein, on va essayer de trouver des bons plans aussi économie justement dans un instant. 01 42 48 5000, appelez-nous. 02 851 4x0, c'est Mickaël No Limite sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Et puis il y a qui avait demandé son Linkin Park tout à l'heure, c'est Henri qui avait demandé sur le Twitter la Linkin Park, on n'en parle plus. Eh ben c'est parti, on va se le faire maintenant. Et juste après on accueillera Sandra pour faire un chéri je peux te faire cocu sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, il est minuit 20. C'est sans pub jusqu'à 2h sur Fun Radio. Monsieur Gouray, le bouton. Vous lui coupez le micro, j'ai arrêté le disque. C'est con, ça arrive même au meilleur. Je mérite un coup de claque. Voilà, c'est tout ce que je méritais. Now you don't know me, like... Linkin Park sur Fun avec Steve Aoki, c'était Lie That Never Come. Fun 3h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, les connards. No Limit. Sur Fun Radio. Bon, et dans un instant, on appelle encore des gens là pour savoir s'ils savent ce que c'est le clitoris, puisque un Français sur 9 est au courant. Un Français sur 10, je suis con, est au courant de ce que c'est et d'où ça se trouve. Et 9 sur 10, du coup, ne sont pas du tout au courant. Il y a Megumi qui dit petit indice, Tof, on a vu défiler des clitoris, c'est sûr, effectivement. Il y a Nanou qui dit j'appellerais bien ma fille clitoris, c'est sympa. Mickaël qui dit le clitoris, c'est un bout de graisse au milieu de la graisse qui est la femme, quel enculé. Mickaël, le clitoris, c'est un bout de peau qui donne le plaisir dans la femme. Dans la femme. Mickaël le clitoris, c'est un personnage d'Astérix. C'est pas mal. Et Let's Be Freaks qui dit je suis nu sur ma serviette, j'attends Tof. J'arrive. Bah voilà, très bien, il n'a qu'à venir. Je suis parti. Exactement, la mobilette d'ailleurs qui va démarrer de ce pas, direction le sud de la France. Il va lui caresser son bout de graisse qui est dans exactement, la graisse. Exactement. Bon, et dans un instant, on récupère aussi Thomas qui cherche à faire des économies. Jonathan qui a peut-être des conseils à donner. Et Eric, encore un coup, là, pour la colle. On va donner la réponse dans un instant sur, à propos de la colle. Je vous la répète encore un coup. C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir prévu pour la montagne. Il y a un seul col qu'il ne pourra jamais franchir. Lequel? Vous avez la réponse. Vous envoyez Mickaël, espace la réponse au 64-900 ou pour la Belgique au 63-22. Il y a l'explication. Enfin, il y a la colle qui est écrite sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez la voir de visu, peut-être qu'il y en a peut-être plus facile. En même temps, on peut difficilement voir quelque chose de pas visu. Vous envoyez simplement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Tirage au sort dans 5 minutes sur Fun Radio. Et comme je vous le dis, minuit et demi, il y a moins de gens qui écoutent qu'hier entre 20h et minuit. Donc c'est peut-être l'occasion justement de jouer avec nous si vous voulez choper la PlayStation 3 et le jeu GTA 5 qu'on a été les premiers à vous offrir la semaine dernière. Bon, alors, on va directement accueillir maintenant Sandra qui est avec nous. Tu nous appelles pourquoi, Sandra? Pour rendre jalouse ma copine. Ah bon, chérie, je peux te faire cocu, quoi, c'est ça, c'est l'heure. Voilà, c'est ça. Très bien, parfait. Bon, Sandra, ah, donc ta copine, alors, c'est ça? Oui, voilà. Ah, donc qui aime les femmes, qui aime les femmes, Sandra. D'accord. mais c'est pas grave, hein, ça nous dérange pas. Hein. Juste un détail, Tof, tu t'es pas rendu compte que tu t'étais pas entendu dans ton casque quand t'as ah, dit. Non, un je m'étais pas entendu. Mais voilà. C'est dingue, comment est-ce possible? Il faut savoir, je réexplique, que donc en radio, on a un casque et on s'entend. Donc quand on parle et qu'on allume pas le micro, ben, on entend qu'on ne s'entend pas, justement. C'est logique. Et mais Tof, il s'en rend pas compte. Non, moi je m'en rends pas compte. Attends, je vais essayer. En fait, attendez. Attendez, je vais essayer de faire comme lui. Mais ça frappe quand même, ouais. Que tu t'entends pas. Non, parce que moi je m'entends de l'intérieur, c'est pour ah, ça. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Tu résonnes tellement t'es vide. Ouais. C'est un coup de pelle, tiens. Hop là. Voilà. Ah, ouais, effectivement, c'est vide. Ouais. Effectivement, c'est vide. Bon, Sandra, donc toi t'es à Amnéville. On va donc l'appeler maintenant. On va lui faire croire que bah t'as viré ta cutie, hein, que t'es devenu bi ou pire, hétéro. Voilà. Boum. Tu ne broutes plus le gazon. Exactement, tu aimes les meufs et tu aimes les mecs, pardon, et tu aimes les branches, voilà, c'est ça. À la limite, je pense qu'il faut même pas aller taper dans le dire, dans le truc, j'ai changé, je non. veux. Voilà, tu restes comme t'es toujours lesbienne, pas de problème. Sauf que voilà, t'as envie de tester avec un mec, juste une seule fois, parce que le mec t'a toi, proposé. A priori, quoi. De quoi? Toi, a priori, quoi. Ah, évidemment, moi, c'est Michel, ouais, bien sûr, qui résiste à mon charme et à ce prénom magnifique. T'en as marre de la tarte au poil, tu veux changer, voilà. Voilà, exactement. Voilà. Bon, on y va, on l'appelle, Sandra, d'accord? Okay. Bon, allez, c'est parti, bonne chance. Qu'ai-je à dire? Si jamais, évidemment, elle s'énerve, bien sûr, tu repars avec des cadeaux, c'est dans le sens. Bonne chance, Sandra. Allez, c'est parti. Donc, on est chez toi. Ok, ça va. Par contre, je vais certainement très très mal te parler, donc toi, tu fais soumise. Hein. Ok, d'accord. Bon, allez, je compte sur toi, on y va. Allô? Allô, ça va? Ça va, toi? Ouais, ça va, tu fais quoi de beau, là? C'est quoi, c'est de beau, là? Rien, quoi. Bah, rien de spécial, je suis avec quelqu'un. Avec qui? Bah, bref, c'est pas grave. En fait, j'ai pas te proposer, en fait. Pas te dire, en fait, parce que je suis pas... J'ai envie d'être honnête, quand même, à minimum, quoi, donc... De quoi? J'ai envie d'être honnête avec toi, donc j'ai envie de t'avouer quelque chose, en fait, de te demander quelque chose, plutôt. Bah, demande. Ouais, en fait, le week-end dernier, j'étais en boîte et j'ai rencontré quelqu'un, un mec, et il m'a raccompagné chez moi. Là, je l'ai revu aujourd'hui et il est chez moi et j'ai envie d'aller plus loin avec lui, en fait. T'es sérieuse? Bah, ouais. La gueule de qui? Bah, de personne, hein. Bah moi je te demande, je pourrais le faire sans te t'attendre pas. Je m'en bats les couilles, c'est pas une question de demander ou quoi. Non, il n'y a même pas à demander. Sandra, ça t'ennuie pas si je prends un coca? Oui. Je peux prendre un coca? Oui, vas-y, je t'en prie. Ah merci. Non mais t'es sérieuse? Bah ouais, je suis sérieuse, ouais. Non mais tu te demandes de la gueule de qui, toi? Bah de personne, à la base. Bah attends, déjà, tu te remboîtes, tu me dis rien, tu vois, tu remboîtes tout tranquille, la meuf, là, genre, ça y est, je me la coule à l'aise. Et après quoi? Attends, après... Oh merde, j'ai cassé le verre. Ah, c'est pas grave, je ramasse. Et en plus, ça a l'air d'être un gogol de service, quoi. Oh putain, oh, je suis vraiment désolé, hein. Non, d'habitude, ouais, je fais gaffe, là, il m'a glissé des mains. Y'a pas de soucis, je ramasserai. Bon. Non, désolé, mais bon, il y a moyen que tu bouges, qu'on puisse parler calmement, parce que là, c'est quoi, t'es en train de me faire péter un plomb. Oh bah, merde. Oh putain, oh, je suis vraiment maladroit, hein. Ah putain, mais j'hallucine. En fait, ouais, c'est quoi, t'aimes bien ce que je pensais, en fait. Quoi, ça m'a bah non, moi je t'appelle. C'est quoi, c'est en fait, c'est quoi jouer comme ça, c'est quoi, ça fait vraiment de toi une vraie salope en fait. T'as vraiment pas changé, t'es toujours une salope et tu resteras toujours une salope toute ta vie. Ah mais j'assume, y'a pas de soucis. Ah mais t'assumes, mais non, t'assumes pas. Bah si, je préviens que quand les choses sont faites, tu vois, au lieu de réagir avant, tu vois. Ah non, j'ai pas encore fait, là, je vais le faire là. Ah oui, je m'appelle, je dis que tu vas le faire. Oh, je regarde la télé, y'a Homme et Chabonneur, tu connais? Oh, c'est la folie cette série là, c'est énorme. C'est vraiment une petite hallucination. Ah, c'est génial. Eh, viens t'installer à côté de moi là, au canapé, comme ça on va pouvoir commencer parce que là je vais devoir partir hein, dans une heure et demie. Hein. Ah bah ouais, je termine. Bon, et sinon passe la moi parce qu'on va pas y passer la nuit. Hein. Ouais, vas-y, je te la passe. Non, mais t'es sérieux, c'est quoi t'es... Mais j'hallucine, c'est quoi t'es... Allô t'es Google, toi. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Ça va? Mais ferme-la, mais d'où tu prends le téléphone, toi? Bah rien, c'était comme ça pour dire bah bonjour. Rien, mais qu'est-ce que tu fous là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fous là, sérieusement quoi? Ça y est, t'es trop moche pour trouver quelqu'un d'autre pour baiser. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non mais bon attends, ah non mais allez, je t'explique. Non mais attends, je t'explique. Je t'explique, moi je l'ai rencontré comme ça, on était en boîte. Je t'explique, tu vas pas chez une meuf que t'as rencontrée comme ça, tu vas pas le lendemain histoire de la baiser quoi. Mais non mais je t'explique, bon moi je la vois, je lui propose. Moi je lui propose. Eh dis donc, tu vas me laisser parler ou il faut que je m'énerve? Non, je te laisserai pas parler. Moi je suis un homme, moi ici, t'as compris? Ah moi j'ai deux boules entre les jambes. Mais ferme ta gueule. Ouais non mais alors attention, moi je vais t'expliquer les choses. Non mais moi je vais t'expliquer les choses. Mais t'as bon, craqué, quoi. Donc moi je la rencontre. Moi quoi, je la rencontre. Mets pas un balai dans le cul, on en reparlera. Ah non non mais moi c'est plutôt c'est pas dans le mien que je préfère. Enfin bref, c'est une histoire. Ça te fera assez d'effet comme ça. Bon et donc du coup voilà moi c'est simple. Moi je veux pas te la piquer. Hein. Moi c'est juste pour un soir. Mais tu m'en bats les couilles, hein. C'est pas une question que tu me la piques ou pas. Mais non mais parce que moi ça a toujours été un fantasme, une meuf que je peux pas avoir et donc là je peux la voir. Attends juste une seconde. Oui. Eh tu peux me ramener un coca là parce que comme j'ai tout fait tomber là et dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Vas-y, ouais. Et plus vite que ça. Non, vas-y, ouais. Et à Coca Zéro, là, parce que j'ai vu que t'avais de la merde dans le frigo, là. Si tu peux aller voir, peut-être fouiller, je sais pas. Enfin, bon. Non, mon père, ça lui fait pas qu'il aille voir ailleurs. Bon, ok, super. Eh, magne-toi, hein. Bon. Eh, oublie pas les glaçons! Oh! Ouais, ouais. Non, parce que tout à l'heure, il y avait pas les glaçons, donc bon. Bon, du coup, quoi? Mais foutez de la gueule du cul, tous les deux. Bah, comment ça, je comprends pas. Mais t'es un malade, toi. Non mais je comprends pas ce que tu me racontes, mais qu'est-ce qu'il y a? Non mais moi je rencontre ta meuf là, week-end dernier, on se voit, je lui propose. Comment ça, je vais pas la rencontrer? Bah t'as qu'à lui mettre une laisse, qu'est-ce que je te dise? T'es en train de parler en même temps que moi, je rêve là. Mais qu'est-ce que tu me parles, hein? T'es en train de parler en même temps que moi là? Dis donc, reste calme. Écoute, moi je lui demande si elle est d'accord de passer une soirée avec moi, elle me dit oui. Alors je lui dis, en tant que mec honnête, je lui dis, bah demande à ta copine quand même. Donc on est honnête tous les deux, elle t'appelle et tu gueules. T'es bien une meuf. Tu vas chez une meuf que t'as rencontrée en boîte la veille. Oh qu'elle est bête. Oh qu'elle est bête. Sans avec les glaçons, putain, je t'ai dit tout à l'heure là. Oh là là. Mais ferme ta gueule, ouais. Oh qu'elle est bête. Oh qu'elle est con, alors. Oh là là. Mais t'es vraiment inutile, toi, je te jure. Quelle est bête. Bref, mais qu'est-ce que t'es au téléphone avec moi, toi? Mais qu'est-ce que t'es au téléphone avec moi? Parce que le téléphone. Oh qu'elle est bête. C'est du con. Oh qu'elle est bête. Bon, je te la repasse, je vais boire mon coca. Tiens, je te la repasse. Tu sais quoi, je vais aller. Eh, oh, tu parles mieux parce que sinon tu. Non, non, mais moi je vais venir, je vais te péter ta gueule, t'as compris? Parce que t'as l'air d'être. Moi je te rappelle que j'ai. C'est moi qui ai les couilles. C'est moi qui ai les colones, comme on dit en Espagne. Qu'est-ce que tu parles? Ouais, ouais, alors reste calme, t'as compris? Mais ta gueule, bah, bon, je te la repasse. Mais qu'est-ce que je vais me calmer avec un oncle comme toi? Oh, reste calme, je vais m'énerver moi sinon, t'as compris? Mais ferme-la, mais. Parce que tu sais pas qui je suis, hein. Mais toi non plus, tu sais pas. Ouais, ouais, non, mais toi t'es personne, mais moi tu sais pas qui je suis. T'es quoi, le roi de la pampa? Non, non, moi je suis DJ Mimi, moi, je travaille dans la discothèque. Mais ta gueule, bah allez, raconte. Si, moi je suis un DJ reconnu. T'es handicapé, je suis reconnu. T'es reconnu, oui, t'es reconnu. Quand je me balade dans la rue, je dois mettre mes lunettes de soleil, ce qui est pas ton oui, cas. Bien, oui, bien sûr. Oui, oui, lunettes, oui. Mais quand tu pleut aussi, c'est ça. Bah, c'est comme ça que j'ai réussi à pécho Sandro. Tu vois ta meuf que j'ai pécho là. Bah, c'est grâce mais à ça. Non, mais t'es. Et tu sais quoi, j'allais me rendre dingue. Mais ferme ta gueule, vas-y. Enfin, Sandra. Ferme l'air, passe à moi, vas-y, casse. Bon, je te la passe. Ok. Oui. Mais t'es vraiment. J'ai réfléchi, alors de faire un plan. Mais ferme ta gueule, mais ta mère, va. Mais t'es une folle ou quoi? Non, je suis pas folle. Oh si, t'es réaliste. Si, t'es folle. Sandra t'es capable de me voir arriver plus vite. Oh que hey, y'a pas de chips ou quoi chez toi? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce que ça veut dire? J'hallucine. À la prochaine fois, je me tape ta copine. C'est hein. Pour toi-même. Attends, passe-la-moi. Allô. Quoi? Et donc l'autre, l'autre, elle est vraiment gourde. Hein. T'as pas envie, toi, de tester? Mais tester quoi? Un mec, un vrai mâle. Mais j'ai pas envie de tester un vrai mec. Non mais un vrai. Pourquoi? Mais pourquoi t'as aller tester un mec? Eh, tu sais quoi, si je suis lesbienne, c'est qu'il y a des raisons. Tu mais vois justement, peut-être que t'as été déçu par un mec. Moi, non, je veux simplement te remettre. Tu vois, n'ont pas été capables d'assumer. Tu vois, mais justement, moi, je vais te montrer ce que c'est un vrai homme, un vrai mâle. C'est quoi? On dit souvent, c'est ceux qui se disent le plus qui. Mais justement, bah laisse-moi essayer, moi je te montre, parce que comme ta copine, comme ta copine c'est une gourde. Oh, reste calme. Comme ta copine c'est une gourde, là je préférais prendre quelqu'un d'autre. Hein? Mais tu as niqué, toi. Allez, trace ta route, repasse-moi le téléphone. Tu m'as l'air un peu. Ta gueule. Tu m'as l'air un peu particulière quand même, toi. Bon, oui, et toi tu m'as l'air surtout handicapé du cerveau. Eh, reste calme. Eh, tu sais quoi, excuse-toi. Je vais pas rester calme, mais t'as craqué, toi. Excuse-toi. Quelqu'un comme toi. Excuse-toi. Mais t'es fou. Excuse-toi. Mais je m'excuserai pas, tu vois, je me tabalais dans le cul, on en reparlera. Excuse-toi. Je vais m'excuser comme ça, tu vas voir. Excuse-toi. Mais ta mère. Bon, comment ça? Dis ouais, donc. Ta mère, je la baise en ce moment, tu vois. Ah oh bah ça, alors ça m'étonnerait, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est fou, gars, tu sais quoi, je lui fais même prendre son pied, tu l'entends pas, elle crie. Dis donc, t'as fait l'école du rire, toi. Toi aussi, mais ça ah, on rigole bien. Hein. Oh là là là là, mon Dieu, ce festival de vannes là. Bon, Sandra. Oui. Bon, finalement, je me casse. Hein, vous êtes deux dindes. Ah là, t'as raison, vas-y, casse-toi. Et ce sera pas la peine de me rappeler. Hein. Je reviendrai plus. T'inquiète, elle te rappellera pas. Elle aura pas la force de te rappeler. Je reviendrai plus. C'est pas la peine de me retenir. Si, vas-y, reste, c'est bon. Je reviendrai plus. T'as dit que tu étais pressé, vas-y, ferme ta gueule, casse-toi. Mais qu'est-ce que j'ai envie de tirer mon cou, moi. Mais ta mère, tu vas tirer ton cou ailleurs, mais qu'est-ce que t'as. Mais t'as craqué, mais t'es qu'une pute, ou quoi. Je vais m'en aller. T'es vraiment une pute, en fait, à ce que je sache. Ouais, bah ouais. Bah ouais, bah tu sais quoi, ça fait vraiment pitié. Tu sais quoi, tire-toi une balle dans la tête. Je vais m'en aller, j'ouvre la porte. Non, viens, c'est bon, pas de crache. Je vais partir. Non, vas-y, reste, c'est bon. Mais ta gueule, d'où tu le retiens, mais d'où tu le retiens, toi. Non, tu pourras avoir une occasion d'améliorer ta situation, tu le retiens encore et puis comme une fonctionne. Mais c'est quoi, je vais parce que je suis d'un fou, tu vois. Je vais mais partir. Mais ta mère va te presser le téléphone et tu vas te barrer. Mais t'as cru quoi? Oh. Hey. Oui. Non, mais... Je me casse, je ferme la porte. Mais non, ferme sa gueule. Ouais, t'es contente, mais attends, il est où mon coude ce soir, arrête. Mais tu te mets des doigts et on en reparlera. Ouais, c'est ça. Oh. Ouais, bah, oui. Oh. Ouvre vas-y, reviens, c'est bon. Ouvre la porte. Vous êtes vraiment... En fait, vous êtes bien ensemble. Deux handicapés de service ensemble, c'est trop... Je suis de retour. Ouais, tu vois, tu as crié, mais en fait, la soirée, je l'ai même... Mais attends, je te l'avoue, je t'ai déjà trompé aussi, tu vois. Une pute comme toi, autant que je la trompe, quoi. J'ai tiré mon coiffeur. C'est moi la grosse pute. Bah, c'est qui rencontre un mec et qui va, tu vois, j'essaie de m'engager. Ça tombe bien, tu vois, Priscilla, là, c'est que je voyais tout le temps. C'est juste mon pantalon. Là, je voyais tout le temps, là, ça tombe bien qu'il y a passé quelque chose avec elle, donc comme ça, tu vois, c'était dit, quoi. De quoi? Tu vois, Priscilla, là, que je voyais tout le temps, là, que tu disais ta quête. Mais ferme ta gueule, mais tu crois que je parle de cette pute? Ta gueule, mais tu te rends compte que c'est quand même une grosse merde, tu vois. Tu crois que je suis ferme ta gueule, mais vas-y, mais ferme ta gueule. Marine. Marine. Quoi toi? Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il parle lui? Bah en fait je voulais t'avouer un truc. Je m'appelle pas Michel. Non tu t'appelles Jean-Jacques. Non Michael. Bon c'est presque pareil hein. C'est juste un peu plus moderne on va dire. Et en fait t'es sur Fun Radio. D'habitude, les gens sont contents. Bon, là, par contre, comment vous expliquer que... Non, mais vous êtes bien, là. Oui, oui, là, on est pas mal. Mais bien sûr, tu avais dit ça sur le coup de la colère. Bah, bien sûr. Ah. Bien sûr, Sandra, tu as pris ça sous le coup de la colère. Non. Bon. Voilà, voilà. Bien, bien, bien, bien, bien. C'est le moment de discuter. Voilà, hein, on va vous offrir un petit cadeau ce soir. Qu'est-ce que vous préférez comme cadeau? J'ai une PS3 ou un iPad et je vous mets aussi le jeu Godin. Vous allez pouvoir danser ensemble, ça va être beau les filles. On l'a dit autocollant aussi. PS3. De toute façon, c'est pas perso, hein, c'est une console pour les deux. Hein, c'est pas chacun son tour. Hein. Non, parce que bah, ouais, je vais prendre l'iPad, bah, tu m'étonnes. Bon, bah, gros bisous les filles. Hein. Allez, bisous, allez, au revoir. Au revoir. Bon, et si vous aussi, vous voulez éventuellement faire le chéri, je peux te faire cocu. Bon, on met le couvert évidemment la semaine prochaine. Ouais. Vous envoyez simplement maintenant votre message. Vous appelez Sandro 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et plein de messages aussi. Clem qui dit je suis de retour. Bah oui, je suis de retour. Il y a Chris officiel qui dit lol la sonnette. Oui, c'est tout ce que j'avais. J'avais pas de belle cloche. Everything is magic qui dit j'en peux plus, c'est énorme. Let's be free. Si je suis de retour, on aura dit la phrase d'un film de cul. Oui, j'ai toujours été un grand acteur. Sylvain qui dit elle avoue que c'était déjà une pute la meuf et qu'elle l'a trompée, lol, faut appeler Fun pour avoir la vérité. En même temps c'est bon, c'était sur le coup de la colère comme elles ont dit, hein. Kikiria qui dit ah, j'ai envie de tirer mon coup, moi, excellent. Nanou qui dit mort de rire le festival de Vannes, je baisse ta mère en soi en classe la jeune fille. Oui, le prince Nadia, t'as remarqué aussi toi, hein. Excuse-toi connasse, c'est Dames qui avait envoyé le message. Et Mister Steven qui dit elle pète un peu un plomb quand même la meuf, elle est un peu agressive. Oui, vous avez remarqué également, légèrement agressive la dame. Gentil, hein, mais un peu agressif quand même. Bon, retour dans un instant avec Jonathan qui voulait donner un conseil à Thomas qui veut faire des économies. Eric avec la colle, on est un peu à la bourre, Eric, hein. Tu attends le temps de le son de Robin Thicke? Ouais, il y a pas de voilà, soucis. Et bon, on donne la réponse juste après. Ce qui vous laisse encore du coup 5 minutes de plus, hein, pour vous inscrire si vous voulez choper votre PS3 avec le jeu GTA 5 qu'on vous a offert en exclu la semaine dernière. C'était lundi, on était les premiers sur le coup. Et donc c'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne. Il y a cependant un seul col qu'il ne pourra jamais franchir. Lequel? Vous avez la bonne réponse, et bien tant mieux. À vous de jouer maintenant. La PS3 et le jeu GTA 5 sera peut-être pour vous. À vous de vous inscrire en envoyant MIKL espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bonne chance tout le monde. La réponse c'est dans 3 minutes 40 après le son de Robin Thicke. Et puis allez-y jouer, hein. Hier entre 20h et minuit, il y avait évidemment beaucoup plus d'auditeurs. À cette heure-ci, il y a un peu moins de monde. Donc si vous voulez jouer, vous avez toutes les chances de gagner pour le coup. Bonne chance tout le monde. Robin Thicke maintenant dans MIKL No Limit jusqu'à 2h. C'est To Give It To You sur Fun. Girl, give it to me, girl, you know what it took. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Mickaël, nos limites, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Allez, pour ceux qui viennent nous rejoindre, il était un peu énervé le Corse qu'on l'appelait tout à l'heure là. Ouh là là. Il y a Kans aussi sur le Facebook, il dit fait une dédicace à la Polynésie française. Bah évidemment qu'on fait une dédicace à la Polynésie française. Et même que si vous nous invitez, on pourrait venir. Ouais. Voilà, même que. Donc si vous voulez qu'on vienne, vous rendre visite, tout ça, n'hésitez pas. Hein. C'est avec grand plaisir qu'on va se déplacer, pas pour le paysage, juste pour vous voir, évidemment, on n'est pas des enculés. Dams c'est qui dit je pleure de rire, vous êtes énorme, merci Dams. Et Justine qui dit tu me tues Mickaël, c'est énorme, un handicapé quand même, Justine qui avait envoyé le message. Et alors le prince est là qui dit elle arrête pas de la ramener, la fête la terre. Et puis Maxime qui vous êtes trop fort, je vous écoute tous les soirs, continue comme ça. Merci Maxime. Et de plus en plus nombreux aussi, apparemment. Plus de 180 000 là, ce soir sur la page de l'émission. Là, merci à tous. Et continuez à venir nous rejoindre. En 2 mois, on a réussi à faire 180 000. Alors imaginez-vous ce qui va se passer à la fin de la saison. Je compte sur vous en tout cas. Sur le Twitter, plus de 12 000 également. Et je vous rappelle également d'ailleurs que vous nous faites un follow sur le Twitter. Et moi aussi d'ailleurs, je vous fais un follow. On se suit mutuellement comme ça. Et en parlant de Twitter, je rappelle également qu'il y a évidemment le Top Tweetos. On fera un tour du côté du Top Tweetos avant la fin de l'émission, avant 2h du mat, pour savoir quel est l'auditeur de la soirée, quel est le plus influent sur le Twitter. Et donc justement, le Top Tweetos, on en est où justement? Quel est le numéro 5? Enfin, on vous donne le 5e et le 4e pour donner une idée. Alors, attends une seconde, hop, voilà. Ça charge. Voilà, c'est bon, c'est chargé. Vas-y. Alors, numéro 5, number 5. Kikirials. Kikirials? Ouais, Kikirials. D'accord, numéro 4. Sportfoot 905. Très bien, parfait. Bon ben voilà, comme ça vous avez le 5e et le 4e. À vous de vous manier. Numéro 1, il y a du suspense ou pas? Ouais, il y a du suspense là. Ah c'est, ça se tient, ça, les trois premiers sont à 15 tweets d'écart. Ah pas mal. Bon ben voilà, donc à vous de jouer, hein. Vous lâchez un maximum de tweets avec le hashtag et Mickaël dans vos messages. Et puis du coup forcément vous serez élu Top Tweetos de la soirée, l'auditeur le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Et donc l'auditeur, le meilleur auditeur de la soirée. Je compte sur vous. Hashtag et Mickaël, continuez à balancer tous vos messages avec vos amis, entre vous, avec les auditeurs, il n'y a aucun problème. Il y a un message aussi de Célia qui dit moi je vous invite à Lyon. Bah avec plaisir Célia, c'est gentil. Avec plaisir. Et Clem qui dit il follow les filles par derrière. Oui exactement, et oui. Si vous me faites un follow sur le Twitter de l'émission, je vous follow mesdemoiselles, mais que par derrière bien entendu. Bon, Eric, on va donner la réponse maintenant, là ça me paraît pas mal. Hein Eric Eric ? Oui, bah, putain, je suis en ligne. Ouais, j'ai eu peur, je pensais que t'avais raccroché, je me dis putain, il a baissé les bras là. C'est vrai qu'on non, est un non, peu non, à la bourre. Non, je suis très patient là, je. Ah. Parce qu'on devait donner la réponse à 00h30, là on est il y a eu le chéri, je peux te faire cocu, ça a été un petit peu plus longtemps que prévu. Mais c'est pas grave, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante, peut-être. Je rappelle le principe, tu as balancé une colle en début d'émission, il fallait s'inscrire par SMS avec la bonne réponse. Et donc maintenant on appelle quelqu'un, si cette personne décroche et a la bonne réponse, elle gagne. Si elle décroche et qu'elle n'a pas la bonne réponse, elle perd. Et si elle ne décroche pas, elle perd également, et donc par la force des choses, tu gagnes, d'accord? Ouais. Eric, PlayStation 3 et le jeu GTA 5 à la clé. On appelle maintenant, c'est parti. Allez, bonne chance. Et si ça sonne chez vous maintenant, c'est que c'est pour vous. Ah, le stress. Ah, attention. Puis on aura Martin Garrix aussi après avec Animals sur Fun Radio. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai écouter un petit extrait dans un instant. Et si vous voulez choisir des sons en particulier, n'hésitez pas à un hashtag et Mickaël sur Twitter. Là, profitez-en. Oh. Ça a l'air d'être plutôt gagné là, Eric. Hein. Ah ouais, attends, ça attends. Sent bon, ça sent bon. Bonjour. Oh vous êtes sur la messagerie oh de... Attends, Eric. Edouard. Veuillez laisser. Comment il s'appelle ? Edouard. Salut Edouard, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, je t'appelais pour la colle. Donc on va voir si ton répondeur a la bonne réponse. Eric, est-ce que tu peux reposer la colle, s'il te plaît ? C'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir. Plus pour la montagne. Mais il y a un seul col qui pourra jamais monter. Lequel ? Alors, le répondeur. Je crois qu'il sèche, hein, le répondeur. Attends, le répondeur d'Edouard. J'ai la réponse. Le répondeur d'Edouard. Malheureusement, la réponse est mauvaise, le répondeur d'Edouard. Eric ? Oui ? Tu repars avec la PlayStation 3 et avec le jeu GTA 5. Oh là là ! Ah là, je vais faire des heureux, quoi. Eh ben voilà. La PS3. PlayStation 3 plus le jeu GTA 5 qui est donc le jeu du moment, hein, pour le coup, hein, qu'on vous avait offert la semaine dernière en exclu dans l'émission. On a été les premiers sur le coup lundi dernier là dans l'émission là GTA 5 donc. Je vais faire une petite dédicace vite fait. Allez vas-y à une seule personne, elle connaît le principe. Pour mon cousin Wilfried qui est dans le 7-9. Très bien, et ben voilà, on l'embrasse, le cousin Wilfried. Voilà. Et ben voilà, pas de problème. Coucou. Et tu peux remercier Eric, tu peux remercier Edouard, hein, qui t'a laissé gagner gentiment là. Voilà, merci Loire. Tu vas avoir la rage demain matin là. Le réveil va sonner, il va avoir la rage. Bah oui. D'une violence. Enfin, bon. Connais un qui peut jeter son téléphone par la fenêtre. Oui, je pense également, oui. Bon bah écoute, salut Edouard, hein. Tu rejoues quand tu veux, cela dit, c'est con d'avoir tes tirs au sort comme ça et pas décroche. Enfin bon. Allez, salut Edouard. Bon, allez Eric, bravo à toi, la PS3 est pour toi et puis pour tous les autres. On en remet une autre demain à gagner à partir de 23h sur Fun Radio, la PS3 et le jeu GTA 5. Salut Eric. Salut. Et bonne soirée, à bientôt. Comme quoi, ceux qui posent la question peuvent aussi gagner la preuve. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, mais ceux qui posent la question gagnent jamais. Bah non, la preuve. La preuve, il a gagné. La preuve, il a gagné. Et ça, c'est beau. Salut Eric. Allez, salut. Et pour récupérer le bien, on fait comment ? Eh bah, je te repasse Sandro, il va tout t'expliquer. On va te l'envoyer, t'inquiète, tu dois pas venir jusqu'à la radio, hein, t'emballes pas. D'accord, ok. Salut Eric, ciao. Et salut. Allez, à bientôt et bonne soirée. Oui. Les autres, si vous voulez jouer avec nous, eh bien n'hésitez pas, évidemment, on joue ensemble tous les soirs sur Fun Radio, retour dès demain. Et si vous voulez poser également une colle, c'est vrai qu'on vous invite à répondre à la colle, mais si vous voulez être le poseur de colle, vous pouvez faire un mail également directement à Sandro, sandro@funradio.fr. Sylvain qui dit viens me voir à Montpellier, lol. Bah ouais, super ville en plus Montpellier. Ouais. Très sympa la ville à Montpellier. Y a quoi aussi ? Énorme Mickaël, mort de rire, continue comme ça. Merci Joyvin, c'est très gentil. Et tous les messages qui arrivent encore évidemment en masse bien sûr sur le Facebook de l'émission. Je vous rappelle également. Ah oui c'est vrai putain c'est Lauriane qui dit et la réponse c'est quoi ? Ah bah oui. Attends Sandro, je le récupère là. Eric. Oui. Et du coup on n'a pas donné la bonne réponse comme des cons là. La bonne réponse, alors donc c'est un véhicule qui peut être de luxe ou de loisir, prévu pour la montagne, il y a un seul col qui ne pourra jamais être franchi. Lequel, Eric, alors ? Bah disons le 4x4 Q7 on va dire. Ouais. Bon, et c'était le col de l'utérus. Bah le col de l'utérus, hein, donc rapport avec l'anatomie. Bah voilà pour la réponse. C'est vrai qu'on n'avait pas donné la réponse. Merci Lauriane d'avoir. C'était un test, hein, pour voir si les auditeurs allaient se rendre compte. Ouais. Eh bien tu as relevé le test avec brio, Lauriane. Bravo à toi. Bon bah du coup Eric, je te renvoie chez Sandro, d'accord ? Ok, merci. Salut. À bientôt salut. Eric. Allez, ciao. Bon bah voilà. Hop, désolé d'avoir zappé la bonne réponse là, mais heureusement qu'il y a des auditeurs qui écoutent cette émission. Hein. Des auditeurs qui suivent là. Qu'est-ce qu'on ferait sinon on serait bien dans la merde. Bon, avant de récupérer dans un instant notre ami Thomas qui veut faire des économies, je propose que nous rappelions quelques personnes afin de vérifier si il ou elle savent où se trouve l'utérus. L'utérus, je confonds tout. Le clitoris puisque un Français sur 10 ne sait le sait seulement. Voilà. Et donc 9 sur 10 ne sait absolument pas où se trouve le clitoris. Et ça, c'est scandaleux. C'est une étude qui avait été faite, donc on rappelle, Colline. Oui, on rappelle. Bon, très bien, toujours là, toi avec nous, tranquille, parfait. On aura aussi Jonathan et Alexis, vous êtes là tous les deux ? On est là, ouais. On est là. Parfait, bon, on rappelle encore un coup, vous savez où se trouve le clitoris, vous ? Bien sûr. Ah, évidemment. Bon, on va appeler un des numéros que des auditeurs nous ont balancé là. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils sauront où se trouve le clitoris ou pas ? On va voir, c'est parti. On appelle, puis on va voir Martin Garrix aussi juste après, comme promis. Bougez pas de là, tout le monde. Allez. Allô ? Oui, bonsoir madame. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous saviez où était clitoris. Pardon ? Ben, est-ce que vous savez où ça se trouve, clitoris ? Dites, vous n'avez rien d'autre à faire le soir, vous ? Non, madame, et vous ? Ah, visiblement, non, elle n'a rien d'autre à faire le soir. Donc, on va la rappeler, hein. Elle avait l'air gentille en plus, c'est dommage, elle était à Charleroi. Allez. C'est ta pète. Oui, excusez-moi, monsieur, mais en fait, je vous appelais pour savoir si vous saviez où est clitoris, qu'on a été coupé. Mais je le fous de ta gueule, connard. Ben, enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Viens ici, mais viens jusqu'ici. Je vais te montrer que le clitoris, si tu se trouves. Quand je te l'aurais foutu dans ta gueule, le clitoris, tu vas se trouver tout de suite. Là, tu vas l'avoir en plein front, connard, toi. Mais je vois pas pourquoi vous voulez mettre ça sur mon front, monsieur. Ouais, mais moi, je vais te le foutre en plein front. Viens jusqu'ici. Mais c'est dans mon adresse. Mais non, ça sert à rien, monsieur. Moi, je vous appelais juste pour vous expliquer où ça se trouve. T'as que ça à faire, t'es quoi, la grosse chômeuse, je dis comme t'es, là, toi. Il y a des gens qui travaillent, connard, t'as que ça va. Donc tu me fous la paix, maintenant. Oui, mais moi, compris. Mais moi je vous appelais pour vous aider. Tu m'as bien compris, connard, je te dis. Mais moi je vous appelle pour vous aider, monsieur. Moi je te dis, tu me fous la paix, connard. Sinon je téléphone au flic tout de suite pour prendre ta ligne, connard, ça va. Et je porte plainte contre ta gueule, connard. Tu m'as bien compris maintenant, t'es. Mais peut-être que vous pourriez. Espèce d'imbécile, ta gueule. Oui, mais moi je. Ta gueule, je te dis, connard, t'es. Sinon je te dis, je te téléphone tout de suite au flic, j'ai ton numéro et je vais te trouver ta gueule et je vais te foutre en pleine gueule, toi qui t'arrives, ça va, tu m'as bien compris maintenant. Mais oui, j'ai bien compris. Fous-moi ta gueule, connard. Oui, ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. C'est ta mère qui a un gros clitoris, toi. Elle t'a mis au mot, t'as un clitoris sur ton front, connard. Espèce d'enculé, t'es. Oh, c'est tout, oh, je suis déçu. Mais à votre avis, combien de ta gueule y a Dilus? Eh, il a détrôné l'autre. On pas sûr, hein, ça reste à voir encore. Attention là quand même. Ça reste à voir. On a un gros clitoris. Voilà, que le stagiaire me découpe immédiatement cet appel afin que nous puissions faire un battle entre le Corse et notre ami de Charleroi. Le Corse ou le Carolo. On va le rappeler, hein. On le rappelle ou pas, Jonathan, Alexis, Colline et Thomas là? Bah oui, il était au top, lui. Bon, je vais le rappeler, mais je vais mettre les sons là, comme on l'avait fait avec le Lensois là, avec tous les messages, ouais, genre ceux-là, tu vois. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà, tous les petits messages, etc. Il va te faire enculer, quoi. Etc. On va le rappeler là, c'est parti, c'est moi qui m'en occupe, cette fois-ci, Tof, tu te tais, hein. Je ne dis rien. On y va, c'est parti, on rappelle. C'est moi qui gère. Allô? Ah, t'es plus enculé au PD, va. Ouais, grosse tapette. Tu me dégoûtes. Ouais, ta gueule, quand même. Nique ta mère. Ouais, toi aussi, nique ta mère, toi, quand même. Je dis ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Ouais, ta gueule, tapette. Mais la bestie de pute. Ouais, toi aussi, t'es une grosse tapette. Non, mais calme-toi. Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Ouais. C'est deux voix différentes. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah, il a tenu moins longtemps que le Lensois, hein, quand même. Hein. Ah, ouais. Mais vous avez remarqué, j'ai fait un petit hommage à Lens avec la finale. Hein. Oui, c'était avec dommage. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà. Donc on était à Charleroi, il était juste énormissime, le mec là. Donc on va me redécouper ça, comme ça on va pouvoir le remettre. Je rappelle que pour l'instant. Alors, lequel vous avez préféré, Alexis, Jonathan, Colline et Thomas là? Lequel vous avez préféré au niveau des insultes? Le Corse ou le Carolo? Le Corse. Le Corse. Alors le Corse reste leader apparemment. Hein. Le Corse que nous avions eu, c'était jeudi. Alors je vous remets juste la fin de notre ami le Corse. Là, il est où celui-là, le Corse là encore? Je l'ai perdu, le Corse. Je l'ai paumé, le Corse. Ah oui, là, c'est bon. Le Corse, c'était ça? Ah, t'as été coupé, mon grand. Eh bien, viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture. Et je te fais courir jusqu'à Pouillane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. C'est vrai qu'il était pas mal, hein. Ah, moi, je préfère le Carolo. Hein. Ouais, ouais, mais le Carolo, c'était une enfilade, alors que lui, tu sens qu'il est vraiment énervé et qui va te mettre le feu, il va te brûler, quoi. C'est-à-dire qu'il va vraiment tuer ta race, quoi. Y a un, avec ta mère qui a un clitoris sur le front, là. Ouais. Moi, je ferais pas le malin à ta place. Enfin, ta gueule. C'est pas ça, c'est ma mère m'a mis au monde avec un clitoris. Voilà, ça ah oui, pardon. Un gros clitoris. Effectivement, autant pour moi. Il y a Jaune aussi, Jonathan. Jonathan, c'est bon ça. Sur le Twitter qui dit je pleure de rire. Mister Steven qui dit magnifique, cet appel trop marrant. Georges qui dit aussi mort de rire la nuit au taf avec vous, je passe pour un fou devant mes collègues. Eh ben, présente-leur l'émission là, qu'ils écoutent aussi. Alia qui dit juste génial le belge que vous avez appelé. Il y avait Florian qui dit trop chaud le type. Joévin qui dit quel salaud, c'est scandaleux comment il était con celui-là. Et Colin qui dit je crois que tu as un nouveau stock d'insultes. Oui, effectivement, là, comment vous dire qu'on était au top. Et Morgane Delamure qui dit Mickaël, vraiment, des baraquis à Charleroi, là, je suis plié en deux. Tony qui dit on a oublié tous nos soucis avec toi. Bah, c'est un peu le but aussi, donc soyez tous les bienvenus. Et puis Miss Sizibou qui nous invite aussi à Nancy, avec plaisir, il n'y a que des jolies filles à Nancy. Ah, j'adore Nancy, la place, c'est vrai, c'est trop bien. Et Malik qui dit aussi venez à Nice, bah, avec plaisir, hein, avec grand plaisir en plus. J'adore Nice, la croisette, c'est trop bien. Ah, c'est bon, je la ramène là. Bon, allez, avant de faire d'autres appels, on va donc enfin récupérer Thomas là qui donc voulait faire des économies. Alors Thomas, bon, alors tu veux faire des économies parce que tu veux acheter un truc toi, c'est ça? Oui. Tu veux acheter pour qui? Je veux acheter un lecteur DVD portable pour mon grand frère. Oh, c'est gentil, mais pourquoi tu veux lui offrir un lecteur DVD portable à ton grand frère? Et ça fait longtemps que je l'ai pas vu et tu veux lui faire un petit cadeau. Ouais. Combien ça coûte le lecteur DVD portable? 60 euros. Ah ouais, 60 euros, d'accord. Et tu gagnes combien par mois? Enfin, genre, t'as l'argent de poche de combien? Zéro. Ah oui, ouais, ça va être compliqué parce que économiser, le principe, c'est de garder un petit peu de ce qu'on touche. Alors, si toi, ouais, tu touches que dalle, c'est compliqué d'économiser. Hein. Mais bon, t'as combien sur ton compte là? Zéro. Ah ouais, putain, mais tu pars de loin tu là. Tu pars bien. Non, mais ça va. Et déjà, il a pas de dette. Déjà, t'as pas de dette. Attends, t'es sûr, t'as pas de dette? À 100%. 100%, bon, bah, très bien, ok. Bon, bah, c'est déjà ça de prix. Bon, attends, il y a Jonathan qui avait appelé aussi, là, apparemment d'Evreux. Il a des bons conseils là, pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, toi, tu veux pas faire des économies, Thomas. Tu veux simplement gagner de l'oseille. Oui. Bah, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'à 13 ans, tu peux pas travailler. Et t'as pas des voisins. Tu pourras pas laver la voiture des voisins ou t'occuper du jardin. Enfin, je sais pas si t'habites en maison ou en appartement. J'ai déjà demandé et c'est pas possible. Oh. Pourquoi ils veulent pas? Bah, parce que j'ai piqué la tondeuse la dernière fois pour la revendre. Non? Non. Non, mais pourquoi ils veulent pas? Je sais pas trop. Et tu sais ce qu'on peut faire? On peut défoncer la porte de Pedro, notre responsable, et on peut prendre des trucs dedans. Et oui, c'est pas faux. On peut revendre des trucs. C'est vrai, en plus, il a un grand écran qui sert à rien, là. Voilà, il a plein de trucs, on peut tout prendre. Exactement, il a des vieux logophones, des reliques des années 90. Ça donc, cher, ça, pour là, les je musées. Pense qu'on peut les revendre, on peut les revendre pas mal aussi, ça, c'est vrai que c'est une idée. C'est une idée. On va revoir s'il n'y en a pas d'autres, éventuellement. Salut, Jonathan. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, ça va tranquille. Bon, Jonathan, t'as des conseils, toi, à donner à Thomas, là, pour qu'il puisse économiser un petit peu, là? Bah, ouais, enfin, c'était ton idée à toi, tu vois, de faire des jardins chez... Ah, bah ouais! Chez les personnes âgées, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Ouais, ou faire les courses des petits vieux aussi, ouais, tu sais, genre, sinon, tu veux les rendre. Tu leur rends service. Il y a un truc qui marche, ouais, c'est ça qui marche vachement bien, c'est que tu vas là, tu mets t'sais, aux caisses des supermarchés et tu regardes, tu vois les petites vieilles qui galèrent et tu vas les voir, tu leur dis mais attendez, je vais vous aider à ramener vos courses, machin. Normalement, quand t'arrives chez elles te filent un bifton. Voilà. Oui. Ça, ouais, c'est vrai. Pire, ou alors tu fais pas, tu aides les petites vieilles, enfin les petites vieilles ou les petits vieux, tu sais, qui ont un peu de mal à marcher ou avec des béquilles, tu vois, à traverser. Mais ça, par contre, généralement, ils te donnent rien. Moi, j'avais fait pareil que lui, moi. Quand je voulais d'argent, bah. J'allais voir chez les gens si ils voulaient que je les aide à faire, je sais pas, tailler les rosiers ou faire sinon, la pelouse. Ouais. Et j'y allais avec mon père et puis bah, ça passait nickel quoi. Ah, ou sinon, bah c'est pas con, ouais. Jonathan. Et sinon Thomas, il y a aussi le truc, c'est tu vas à côté des voitures, tu fais bonjour, trouvez bague, c'est à vous la bague. Voilà, bagor, donc si vous voulez, donne-moi 50 euros et garde bagor. Ouais. Tu vois? Tu fais 60 aussi. Et comme ça t'es bien quoi. Voilà, t'essaies de gratter 60, tu dis 60 euros pour moi et du coup tu peux garder la bague en or. Non, je dis ça parce que je me fais choper à chaque fois. Je le donne pas, hein, ouais. Il est sur foutre. Mais à chaque fois ils viennent vers moi. Mais non, je dis c'est bon, ouais la bague, je fais c'est pas grave, garde-la, tu peux l'avoir, je te la donne. Les petits vieux, ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un de majeur pour que le petit fasse quoi. Bah ça dépend là, Thomas il est jeune, donc encore après c'est possible. Mais sinon, bon, attends. Bah j'ai fait la même moi, j'ai commencé pareil que lui donc. Sinon Thomas tu cours vite ou pas? Moyen. Ah, dommage. Non, parce que pourquoi sinon, t'as donné un conseil de merde? Non, j'allais dire, il y a le distributeur, t'attends que le mec y retire et puis voilà, ça c'est un bon conseil, tiens. Bon, Thomas, reste avec nous. Jonathan aussi, il y a Colline qui avait apparemment un conseil, on va la récupérer. Colline, t'es là, la VIP, là? Ouais, ouais. Parfait. Bon, bah, bouge pas. Alexis également, qui avait aussi un conseil. Lui, il a même âge que toi, Thomas, donc il va peut-être pouvoir t'aider plus facilement. Et puis, on va se mettre le son de Martin Garrix. Ça vous branche? Ouais. Ouais, Jonathan, ouais. Ça va, Martin Garrix? Ouais. Ok, très bien. Bah, on s'écoute ça maintenant sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Il y a le tirage au sort avant 2h aussi pour l'iPhone 5C, là. Maniez-vous, hein. Il reste plus beaucoup de monde debout à cette heure-ci. Donc, si vous voulez le gagner, faites votre live. Vous serez peut-être tiré au sort dans quelques instants. iPhone 5C en bleu, en rose, vous choisissez. Il y a la photo qui est sur le Facebook. Vous faites un like. Et si vous êtes tiré au sort, il sera peut-être à vous dans moins d'une heure sur Fun Radio. C'est Martin Garrix maintenant dans la nuit sans pub. C'est Animals. De Martin Garrix à l'instant sur Fun Radio, là, c'était Animals. Ferme ta gueule, gros bâtard. Ben ouais, ben il est où le ah, le clitoris, là, il est là. Ah merde, je peux pas le mettre. Oh là là. Oh, le stagiaire, il fait que de la merde. Oh, c'est là, tout ce qu'il mérite, c'est un coup de pelle dans la tronche. Vas-y, et une claque. Lance-flamme. Non, mais c'est vrai quand même, là. Merde. Alors qu'on avait notre ami de Charleroi, là, qui nous avait appelé. Enfin, qu'on avait appelé pour lui demander s'il savait où était le clitoris et on l'avait eu ça. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un gros clitoris, toi. Elle t'a mis au monde avec un clitoris sous ton front, connard. Espèce d'enculé. Florilège. Bon, alors battle, faisons le battle. Il est mauvais, faisons le battle. Alors nous avons donc. J'ai pas la musique du battle là, c'est dommage. Ah, j'aurais bien voulu avoir une petite musique de battle, un petit Rocky ou quoi, tu vois, quelque chose là. Ah si, je l'ai, voilà, tiens, hop là. Alors, mesdames et messieurs. Oh, Rocky 4. Voilà. Il y a en numéro 1, notre ami, le Corse. Attends, parce que je pense qu'il nous a fait de la merde, notre ami stagiaire. Oh, il m'a effacé mon ami Corse. Où il est, où mon ami Corse là? Il est où mon ami Corse? Attends, parce qu'il m'a fait... Oh là là là là là là, où est-ce qu'il est mon ami Corse? Mais il est où mon ami Corse, le stagiaire? Ah bah il est parti, mon ami Corse. Ah, il me fait des signes. Il est où mon ami Corse, là? Où est-ce qu'il est? Ah, je crois que je l'ai retrouvé, attends, bouge pas. Hop là. Eh ben non, je l'ai perdu. Bon, et ben voilà, hein, du coup j'avais mon ami Corse et... Ah, il est là, c'est bas. Autant pour moi, c'est ma faute. Donc nous avions notre ami Corse en 1. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu, je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, ça c'était notre ami Corse et nous avons notre ami Carolo. Lequel le des Changer. Deux est-ce que vous préférez? Le numéro 2, c'est lui. Ta gueule, connard. ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. C'est ta mère qui a un gros tutoriste, toi. Elle t'a mis au mot, t'as récupéré sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Voilà, allez. Je préfère le belge. À voir. À vous de voter en tout cas. Lequel des deux vous préférez? Vous mettez un ou vous mettez deux. Vous envoyez Mickaël, espace 1 ou 2. Vous envoyez ça au 64-900 ou alors au 30-44 pour la Belgique. Lequel des deux vous préférez? Alors maintenant qu'on les a réentendus, là, Thomas, tu préfères lequel? Moi, bah, toujours le même, le Corse. Toujours le Corse. Alors, Colline, tu préfères lequel? Le Corse. Le Corse aussi. Jonathan, tu préfères lequel? Le Corse. Le Corse. Alexis, tu préfères lequel? Les deux, ils sont trop bien. Les deux. Non, il faut choisir, Alexis. Il faut choisir. Un ou deux? Le Corse. Le Corse aussi. Dylan, tu préfères lequel? Bonsoir, Dylan. Ouais, bonsoir. Ça va, Dylan? Ouais, ça va. Tranquille. T'as entendu ce qu'on vient de mettre, les extraits, là? Ouais. Alors, lequel tu préfères? T'as l'air... Laisse, là. T'as l'air au taquet. On a enterré ta famille aujourd'hui, Dylan? Ouais. Tu as raté ton suicide? Non, c'est pour être sûr. Non, mais... Bon, tu préfères lequel? Le Corse. Le Corse, d'accord. Et Pascal qui est là également. Salut Pascal, tu préfères lequel toi, le 1 ou le 2? Ouais, le Corse, il envoie. À l'unanimité, le Corse alors. Hein, vu comme quoi. Hein. Bon, continuez, hein. Dites-nous là sur les SMS. Là. Vous débutez le message par Mickaël, puis vous mettez 1 pour le Corse, le 2 pour le Carolo, donc le Belge. Vous envoyez ça au 64-900 ou au 30-44 par SMS depuis la Belgique, justement. Il y a John ici. La semaine commence bien avec Mickaël, nos limites de Fun Radio dans les oreilles. Clément qui dit salut, vous assurez Fun, la meilleure radio. Bisous de Avignon. Merci Clément. Vous pouvez aussi bien sûr donner vos avis gratuitement sur le Facebook et sur le Twitter, évidemment, en tapant le hashtag et Mickaël. Il y a Lauriane qui dit au pire, il peut revendre des affaires auxquelles il ne tient plus. Ah oui, ça c'est le conseil par rapport à Thomas. T'as vu Thomas, effectivement, c'est un conseil de revendre des affaires que t'as, non? Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. C'est un conseil, c'est, ça, ça peut être un beau conseil, effectivement. Bon, donc t'as rien à vendre, t'as rien à revendre là, hein? Bah non, je dois tout garder pour mes petits frères. Ah putain, pour les petits frères, les relous. Ils peuvent pas s'acheter des trucs eux-mêmes là? Bah non, justement. Bah ouais, ce serait quand même mieux. Bon bref, alors c'est quoi que t'avais comme conseil toi, Alexis? Bah moi en fait, c'est un peu bête. Enfin, moi je suis dans le même genre que lui. Ouais. Moi je dépense en masse. Quand j'ai de l'argent, je dépense. Ah, tu gardes rien de côté quoi? Ouais, c'est ça. Mais tu gardes rien, mais tu gagnes combien par mois? Enfin, c'est quoi ton argent de poche? Bah, 5 euros parfois, ça dépend. 5 euros par mois? Ouais. Ah oui, c'est pas cher payé, hein. Enfin bon, c'est déjà pas mal, hein, cela dit, hein. Mais bon, 5 euros par mois, là, évidemment, c'est pas énorme. T'as pensé à la bourse? T'as pensé à acheter des actions? Ouais, t'as pensé à acheter des actions, Thomas? Thomas? Non, il sait pas ce que c'est. Non, mais tu vois, tu peux investir en bourse, hein, pourquoi pas. Bon, attends, il y avait Colline aussi qui voulait donner son avis, là. Salut, Colline. Enfin, re-salut plutôt Colline. Ouais, oui, Colline, c'est l'auditrice VIP, comme elle n'a plus de radio chez elle, ses parents lui ont piqué. Et bah, du coup, elle est dans le standard, hein, depuis hier, voilà, voleur. Tranquille, quoi, voilà. Elle sort deux fois de suite, deux soirs, quoi. Oui, deux soirs de suite, effectivement. Bon, Colline. Bah, moi, comme conseil à lui donner, c'est genre, quand tes parents ils te demandent d'aller chercher le pain ou des trucs comme ça, tu gardes à monter. Ouais, tu peux rouler tes vieux, ouais, c'est pas con. Ouais. Ça va être difficile. Non, ou alors c'est, tu peux voir avec tes parents si Thomas, tu sais, genre t'aides ta mère à faire la vaisselle, tu dis ouais voilà, je prends un bifton en échange. En plus ça part d'un bon sentiment, c'est pour faire un cadeau, c'est même pas comme si tu voulais de l'oseille pour t'acheter un truc à toi. Ouais. Mais en plus j'ai eu son père au téléphone tout à l'heure, il est bien. Non. Tu peux nous passer ton père ou pas? Il a ton père Thomas ou pas? Il est en train de dormir. Ah ça y est, il est parti dormir. Ah merde. Ah putain, dommage. Qu'est-ce qui se passe Colline? Il peut faire avec les notes, genre quand il a des bonnes notes, il peut gagner des sous. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Ça peut se négocier. Attends, on va prendre l'avis de Pascal de Perpignan, là. Salut, Pascal. Salut, dis-moi. Oui. Y a pas par hasard une dizaine de personnes qui veulent se cotiser éventuellement? Moi, je suis le premier à donner 10 euros. Non. Oh, bah c'est gentil, Pascal. Ah ouais, c'est cool. Parce que moi-même, je voudrais éventuellement m'offrir un voyage. Donc là, hein, écoute, plus mettre 1000 euros. Lucas, dis-moi où tu veux aller. Bah écoute, moi j'aimerais bien. Bah, justement, il y a l'auditeur qui nous invite en Polynésie française. J'ai jamais été, ah, donc. Parce que, éventuellement, moi je peux te faire un tour de camion et après je te ferai faire un voyage, mais non. Mais t'es dans le camion là? Bah ouais, je suis dans le camion. Vas-y, klaxonne pour voir. Waouh! Pas mal. Attends, moi j'ai le mien là. On fait moi le mal. Hein? Ah ben moi avec le camion je rentre dans le bateau, c'est tout. C'est pas faux. Attends, je vais essayer avec un autre klaxon. Bon, c'est camionnette. Camionnette. C'est pas mal. Oui, c'est plutôt camionnette, ouais. Ouais, d'accord, ok. C'est vrai. Bon, et il ressemble à quoi ton camion, Pascal? Ah ben c'est un Magnum, un 500 Magnum en haute cabine sur coussin d'air. J'ai rien compris, oui. Sur coussin d'air, parfait. Mais l'arbre à cam en tête, comme dirait Polo. Ouais, et puis le moteur dans le coffre, non? Parfait. Non mais ça ressemble à quoi? C'est quoi comme tu transportes quoi Je suis en produits frais, donc je suis en frigo. Et c'est le gros Renault, tu sais, les gros Renault Magnum, ouais. Là. Ah, pas du tout. Pour moi, Magnum, c'est une glace. Hein, donc, ouais, ou un mec avec une moustache. Chocolat. Que quand t'es dans la cabine, tu vois les petites. Dans le sud, tu vois les mini-jupes remonter. Sympa. On veut bien faire un tour avec ton camion, du coup, Pascal, hein, avec plaisir. Bah, écoute, dès que je monte à Rungis, je monte te voir. Parfait. Écoute, avec plaisir, Pascal, t'es le bienvenu. Bon, bah, du coup, donc, toi, t'es plus sur le côté cotisation, quoi, c'est ça? Ah ben moi je suis prêt à donner 10 euros à ce gamin, cool. Mais attends, eh ben écoute, y a bien une dizaine d'auditeurs, non, quelque part? Mais oui, bien sûr. Eh, tu sais quoi, je vais créer un compte PayPal pour ça. Je prendrai ma commission. Évidemment. Non mais écoute, Mika, t'es un enfoiré. Ouais, mais non, t'as vu ce que t'as dit? Alors que juste après mon inspiration, j'allais lui dire que en fait c'était pas la peine Thomas et qu'on allait lui offrir le lecteur DVD. Ah voilà, quelque chose de bien. Voilà. Ça c'est le top. Par contre, Pascal, tu peux quand même me faire le virement des 10 euros. Si tu veux, mais pas de problème. Ramène-nous de la salade, là, quand tu remontes. Non, mais voilà, t'as trouvé la solution. Tu vois que t'as un bon cœur, quand même. Mais bien sûr que j'ai un bon cœur. T'en as douté? On l'avait vu dans le café. Hein, t'en as douté un peu? Je n'en doute pas. Ah, c'est Aujourd'hui dans le sud à Perpignan, 28 degrés mon petit. Ouais bah aujourd'hui pour le coup à Paris il faisait 26, alors enfin, te la ramène pas trop Pascal hein. Ah bah écoute, moi j'ai passé le week-end à la plage hein, mon petit loup. Ouais, là par contre évidemment on peut rien faire hein. Surtout que moi j'ai passé le week-end à Bruxelles, comment t'expliquer qu'il faisait dégueulasse. Moi j'habite, je traverse la route et j'ai la plage en face chez moi. Eh ben on va venir te dire bonjour Pascal, t'inquiète ouais. pas, si ah tu bah, insistes écoute, c'est quand tu veux mon petit poulet. Bah, par contre je m'appelle pas mon petit poulet hein, comment t'expliquer que, hein, comment t'expliquer. Moi je trouve que ça t'allait bien. Amène Sandro, amène Sandro. Avec plaisir, t'inquiète pas. Je vais faire un tour de camion moi. Elle est là. Il n'y a pas de problème. Si tu veux faire un tour de camion, il n'y a pas de problème. Hein. Eh ben voilà. Bon, je veux le conduire, moi. Hein. Ah bah ouais. Non, comment t'expliques que. Non, si, non, si, même si, pas je veux conduire le camion. Sandro, le camion, il vaut 200 000 euros. Si tu me le plantes, je fais quoi? Mais je vais pas le planter, on le fait sur un parking. De toute façon, on n'arrivera pas au pédale, donc sur déjà, c'est arrangé. Un comment grand parking. Comment t'expliquer, le camion, il va prendre tout le parking. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça fait quand même 23 mètres de long et 44 tonnes, hein, ma chérie. Ah bah comme mais elle. C'est pas grave. Ah t'es fier là hein. L'avantage, ah tu l'aimes ta vague. L'avantage Sandro c'est que tu pourras mettre ton cul sur la benne. Ah oui c'est vrai ouais. Non mais je veux conduire c'est un camion. C'est pas une benne, c'est un frigo. C'est un frigo Tof, t'as rien compris là. Éventuellement Sandro je la mets dans le frigo à moins 25 pour la conserver. Pourquoi pas, oui, pour la conserver quelques années, ça peut être une idée, ouais. Paraît que c'est bon pour les rides. Paraît-il. Bon, mais merci Pascal en tout cas, et on passera avec plaisir. De toute façon, on va faire un tour aussi bientôt, là, on passera vous voir aussi avec, apparemment, le nouveau pick-up de l'émission. Ah, pardon, j'ai cru que t'allais dire qu'on allait avoir c'est un quoi. Eh ben, je vous fais un bien. Non. Ben ouais. Bon, ben merci Pascal. Un bisou à tous et merci pour le petit jeune là. Oh, avec plaisir et merci à toi d'avoir proposé de proposer 10 euros. Franchement, c'est cool de ta part, c'est vraiment gentil. Allez, y a pas de soucis. Salut Pascal. Bon, ben voilà Thomas, comme ça on va te filer le lecteur DVD, comme ça t'es tranquille avec cette affaire. Ouais, Thomas. Ouais, nickel. Non, c'est Alexis. Ah, Alexis, excuse-moi. Les grands-parents, souvent quand tu vas chez eux, parfois ils te donnent un peu d'argent. Ouais, c'est vrai, ça peut aider, hein. Ça peut aider, effectivement, parfois. À ton la pelouse ou ça va. Oui, oui. Mais voilà. Mais après, en l'occurrence, la tomate est tranquille puisqu'on t'a offert le lecteur DVD, comme ça t'es tranquille. Ah, sinon, après, si tu veux des idées pour gagner de l'argent, il y a C'est arrivé près de chez vous, c'est un très bon film. Non, ça ira, regarde pas, c'est pas bien, Thomas. Si, le film est très bien, mais il faut pas le regarder. Bon, Thomas, Jonathan et Alexis, merci à vous d'être passés en tout cas pour les conseils. Vous revenez quand vous voulez sur Fun, d'accord? Bah, de rien. Ouais. Salut. Un petit truc. Qu'est-ce que tu veux, Jonathan? Que je te gratte dans le dos? Ouais. D'accord, bah écoute, je vais pas te gratter dans le dos, vas-y, regarde. Voilà, ah ça fait du bien, plutôt en haut, à droite. Un petit peu à gauche, là. Voilà, voilà, bah tu vois, je faisais te demander, pas de problème. Oui, Alexis. Je vais faire juste une petite dédicace. Allez, vas-y, il y a une personne, hein, tu connais le principe. Alors, je fais une dédicace au collège Pablo Picasso. Très bien, bon, on embrasse tout le monde, collège Pablo Picasso, c'est où, dans le Val d'Oise? Ouais. Parfait, bon, on embrasse tout le monde. N'oublie pas de faire la promo d'émission Alexis hein, qu'on est là tous les soirs hein, sur Fun Radio. Ah bah parfait, 23h, 2h et dimanche 20h minuit pour ceux qui n'ont pas encore fait la promo dans vos bahuts ou même au boulot. Là n'hésitez pas bien sûr, je compte sur vous pour la faire. Merci Alexis, merci Jonathan. Et Jonathan tu restes là, on va te filer un pack fun, d'accord? Ok. Ciao. Salut Jonathan, salut. Merci. Thomas. Et toi tu restes là aussi, on va prendre tes coordonnées pour t'offrir ton lecteur DVD Thomas. Ouais. Salut. Nickel. Ouais Thomas. Tu pourrais faire une dédicace et avoir un pack fun? Ouais bah vas-y, et dis donc Thomas, je te donne. Comment t'expliquer qu'on donne un petit morceau du bras? Tu veux tout le bras complet toi hein? Non. Ah si. Bon vas-y pour la dédicace, vas-y. Bah je fais une dédicace à mon frère. Très bien, eh ben bah, écoute, on va te la dédicace est passée et puis on va te filer le pack fun pour toi puisque le cadeau c'est pour ton frère donc. D'accord. Et j'espère que c'est vrai cet enfume hein Thomas hein. Juré. Que si je passe chez toi, je vois pas le lecteur DVD dans ta chambre hein. Bon, ça fait sûr, de toute façon, j'ai pas le droit d'en avoir un. Bon, bah parfait, comme ça, moi, c'est arrangé. Très bien. Salut Thomas. Salut. Allez, ciao à toi. Et puis, dans un instant, on va encore faire d'autres appels. On aura Dylan aussi. De quoi on va parler avec toi, Dylan, dans un instant? Ouais. Ouais, très bien. On va parler de quoi dans un instant avec toi? Un problème avec mon ex. Un problème avec ton ex. D'accord, ok. Bon, bah bouge pas de là, on va parler avec toi. Tu peux juste faire un truc, prends un Red Bull, quelque chose, mais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es endormi ou t'es déprimé? C'est quoi le problème? J'ai perdu ma grand-mère. D'accord, bah oui, mais ceci explique cela, très bien. Bon, bah bouge pas, on va parler avec toi dans un instant, Dylan, reste avec nous. Jean-Philippe aussi qui dit bravo Mickaël pour le geste. Bon, de rien, on les a ici, y a pas de problème. Et alors, purée, t'es trop chic Mickaël, t'as un bon cœur, c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Mais oui, tu es trop bon. Non, mais oui, non, mais c'est vrai. En toute simplicité, il y a Pierre aussi qui dit un coup de marteau niqueur. Ah bah oui. C'est pour Toff ça. Le Belge était épique. Ouais, il y a Chris Belge qui dit tout le monde préfère le Corse. Visiblement, ouais. Clem qui dit le Corse. Il y a Oliver aussi qui dit pour le petit qui cherche à se faire des thunes, là, fait comme tous les galériens du Tiercar, la vendu shit. Ouais, voilà le bon conseil, tiens. Manu qui dit offrez-lui à ce moment. Bah, t'as vu, Manu, on l'a fait. Organise un tomaton pour ce pauvre gamin. C'est Gérald qui avait envoyé le message. Et alors, il y a Rosa qui dit sinon, il peut vendre des anciens jouets, des livres, des trucs comme ça. Sinon, faire des petits boulots également. Mamselle Pauline qui dit il peut vendre des choses inutiles chez Cash par exemple. Et alors Laura qui dit aussi on se cotise pour lui. Ah bah c'est bien, vous avez été plusieurs à penser à la cotisation, c'est bien, bravo à vous là, bravo à vous. Dans un instant on fait encore d'autres appels. Je vous parlerai aussi de mon histoire chez le dentiste. C'est vrai que j'avais besoin d'un dentiste. J'ai besoin d'un dentiste. Si vous êtes dentiste, appelez-moi d'ailleurs hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Dans 30 minutes tirage au sort pour l'iPhone 5C. Donc bah maniez-vous hein. Allez faire votre like là sur le Facebook de l'émission, sur la page, vous tapez MIKL officiel. Je vous ai mis la photo qu'il fallait liker tout en haut de la page, comme ça vous la ratez pas, vous faites votre like et puis bah à 1h20 du matin forcément il y a moins de monde que tout à l'heure, donc si vous voulez la gagner si vous voulez le gagner pardon, votre iPhone 5C, c'est le dernier en plus, bleu ou rose, à vous de jouer, faites un like maintenant, facebook.com/mikl officiel. Et puis on va écouter le son comme promis tout à l'heure de Lady Gaga qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Applause sur Fun Radio, il est 1h20, c'est sans pub sur Fun. Ah bah ça vous pouvez chercher sur les autres radios, il n'y en a pas hein. Elles vous font tout chier avec de la pub. Nous on est à la cool entre vous, le son dance floor et Mickaël No Limit sur Fun. No Limit 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, évidemment, 1h24 du mat, là. Bienvenue si vous venez de débarquer. Mickaël, No Limit, c'est tous les soirs, entre 23h et 2h du matin. Et puis le dimanche soir, évidemment, de 20h à minuit. Bon, je vais vous expliquer l'histoire de du dentiste, là, qui était un petit peu un peu la merde, quoi. Donc, si vous êtes dentiste, appelez-nous. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Colline. Oui, oui. Ah, je croyais qu'on l'avait perdu. Comment ça va, toi, chez le dentiste? T'es toujours en panique ou ça va? Oui, moi je suis en panique. Ah putain, genre si je te fais ça par contre. Fois, on m'a raffiné dedans, donc. Oh merde, donc là, si là. Je te fais. Si y a ce bruit là par exemple, t'es en panique quoi. Ah non, bah. Mais moi il me dérange pas trop encore. Il me dérange pas trop ce bruit. C'est horrible ce moi, bruit. Ça me fait grincer les dents. Bah ouais. Passe là-bas. Non mais normal. Mais après en fait le truc c'est que comment te dire. En fait moi j'avais été chez le dentiste l'année dernière. C'est des tartrages machin. Enfin bref l'entretien quoi. Tu vois l'entretien de l'année hein, les 30 000 km. Et donc parce que je saignais souvent et comme je saigne tout le temps des gencives, le gars me dit ouais ben voilà donc j'ai fait le détartrage. Mais par contre il va falloir faire un méga détartrage. Ah bon d'accord bah. Je dis vas-y, non mais il faut aller chez un spécialiste. Donc déjà là ça te calme. Donc je dis ok d'accord. Et il me dit et là par contre, c'est le truc qu'il faut pas me dire. Il va falloir t'accrocher hein, parce que ça fait mal. Hein. Oh putain. Bah oui. Je dis mais c'est-à-dire, bah ouais en fait, c'est-à-dire qu'on va te décoller les gencives, et puis on va aller nettoyer entre les gencives et la dent, et puis après on va recoudre. Et après ça ira, putain. Comment te dire que du coup lui, il m'a donné le numéro de téléphone d'un spécialiste que je n'ai jamais appelé, ça fait 6 mois maintenant. Et en fait ce que je voudrais c'est aller chez un autre dentiste. J'ai rendez-vous vendredi justement, enfin pas vendredi maintenant mais celui d'après le 4 octobre, pour voir si effectivement le mec essayait pas de m'enfumer à me faire des frais à la con là. Et donc je voulais savoir s'il y a des gens qui ont déjà fait ça. C'est juste une horreur. C'est-à-dire que en fait c'est même pas tant le fait qu'on me décolle les gencives qui m'inquiète. C'est que la dernière fois que j'avais été chez le dentiste, en fait c'est enfoiré. Il me fait une petite piqûre, c'est pour m'endormir quoi, normal. Et à un moment il me fait une piqûre mais dans le palais. Donc tu sais il fait la piqûre et puis ça fait. Et putain j'ai eu, parce qu'il y a plein de nerfs dans le palais, donc du coup j'ai eu des gouttes qui ont coulé de mes yeux là. Et alors je lui dis mais il faudra refaire une piqûre dans le palais. Et il me dit ah bah oui bien sûr. Et pas qu'une seule hein. Oh là là, il est con. Heureusement on a un dentiste avec nous là, Adrien. Ouais, salut. Ça va, Adrien? Salut. Ça va, vous? Bon, t'as écouté mon histoire, là? Ah, ouais, c'est un peu glauque, hein. Ouais, mais alors, c'est vrai, c'est connerie ou pas? Non. Non, genre, il a essayé de m'enfumer ou... Ouais, carrément, c'est plus que de l'enfumage, même. Parce qu'en fait, il m'a envoyé chez un spécialiste. Et il m'a dit, ouais, c'est pas le premier qui a ça, je l'ai envoyé là-bas. Donc, je suppute qu'il y a une entente entre les deux dentistes, là, tu vois. En fait, c'est parce qu'il est autant dentiste que moi. Donc, il a dû retaper 3 fois les 6 premiers mois. Donc du coup, il est dentiste, mais par sa heure perdue, tu vois. Voilà. Non, mais il est vraiment dentiste. Mais toi, t'es dentiste ou t'es pas dentiste, Adrien? Ouais, bah comme lui, tu vois, tout pareil. Mais je comprends rien, t'es en train de te foutre de ma gueule ou pas, Adrien? Non, bah, c'est-à-dire que par exemple, bah, s'il y a un mec que t'aimes pas, tu me présentes, je suis dentiste, je lui mets les dents. Tu vois? Tu comprends? Non, je comprends pas, non, Adrien. Non, j'aimerais bien que quelqu'un me rassure. Ouais, je pense que c'est pas lui qui va te rassurer. Et je pense que c'est pas toi, non. Donc il y a pas de dentiste qui nous écoute alors. Je crois pas, non. Oh putain, non. Et moi, je voulais tomber sur quelqu'un qui allait, quand même dire ouais, je suis dentiste. Et oui, c'est vrai, ça existe. Ouais. Et peut-être que c'est ça. Ou non, laisse tomber, n'importe quoi. Voilà. Donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4 x 0. Je cherche un dentiste, putain. Il y a Véro aussi qui dit c'est juste une horreur le dentiste. Je préfère 100 fois mieux de me faire tatouer que d'aller là-bas. Oui, mais c'est pas pareil, Véro. Hein. Tu vas pas pour les mêmes raisons. Il y a Prisca qui prend sa Mickaël, qui lui offre un lecteur DVD à un enfant et qui offre des iPhones ce soir, c'est vrai. Et on fait pas payer des frais de port, hein. C'est gratuit pour l'envoi. Il y a trop Miss... sympa, mais ouais, je trouve aussi. Miss Izibou qui dit comment te dire que ton histoire de dentiste me fait grave flipper. Non mais c'est clair, je déteste le bruit, ne le remets plus, avec plaisir. Mais c'est, je trouve que c'est pas le pire. Le pire c'est quand il te met l'espèce de truc pour attraper la salive là et qui fait. Mais non, c'est l'aspirateur, c'est rien. C'est l'aspirateur, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Le pire, c'est quand, tu sais, il a une espèce de broche ou je sais pas quoi, et il te la met entre les dents. Ça vous est jamais arrivé, ah, oui, ça? Quand il appuie pour voir si t'as pas de carie. Moi, tu sais quoi? Ah non, fait, ça m'est pas arrivé. J'ai failli le pousser parce que je pensais qu'il était en train de m'arracher les dents. Et il m'a dit, mais calmez-vous. Mais c'est un truc d'une violence. En fait, il enlève le... Tu sais, c'est le tartre entre les dents. Ouais. Mais en fait, c'est un espèce de crochet et il tire comme ça. Ah, il tire. Ah non, ça me dérange pas, moi. Ouais, c'est pour voir, en fait, si t'as pas de carie ou si ta dent, elle est pas abîmée, en fait. Ah non, ouais, mais vraiment, j'ai aucun problème avec le dentiste, mais en fait, ça m'a terrorisé depuis que cet enfoiré m'a foutu une piqûre dans le palais. Là, sans me prévenir, en plus, je l'ai très très mal vécu. Et depuis, franchement, j'aurais déjà été faire ce soi-disant méga détartrage s'il m'avait pas dit qu'il fallait me taper une piqûre dans le palais, quoi. Ça fait mal, sa mère, un truc de fou. Il y a un dissociable qui dit ma dentiste à moi me fait rêver. Je pourrais y aller même si j'ai rien. Je te la présente si tu veux. Bon, ah oui, avec plaisir. Et Vanessa qui dit super le geste du DVD. Bah écoute, avec plaisir. Sylvain aussi, Mickaël, merci pour le geste. Et Sarah qui dit ça, c'est par rapport au battle des canulars. Je préfère le belge. J'ai bien ri, merci. Et petit rouge gorge qui dit moi, j'aime pas trop aller chez le dentiste. Bah non, ça c'est sûr. Donc si vous êtes dentiste, vous avez un parent éventuellement dentiste là qui nous appelle, vous lui laissez, vous laissez votre numéro, on vous rappelle. Je sais pas moi. Tu sais, je pense que les dentistes, avec tout le pognon qui se font sur ton dos, et là, il doit déjà préparer son golf de demain matin. Ouais, peut-être, mais je veux juste avoir un avis, quoi. Bon, ben Adrien, merci, hein. Ouais, pas de quoi. Enfoiré, va. Bon courage. Ouais, merci, ouais. Ciao à toi, ouais, Adrien. Bye. Ouais. Colin, on va encore appeler des gens, là, maintenant, là. Ah, 30 secondes, on a Lucie qui voulait peut-être réagir sur mes dents, là. Salut, Lucie. Salut. Comment ça va, Avignon? Salut. Ça va. Et est-ce que sur le pont d'Avignon, on y danse? Ah, bah, je sais pas. Non. Ouais, on y danse. Ah, très bien. Bon, Lucie, tu voulais réagir par rapport à mes dents. Toi, t'es dentiste, futur dentiste, ou rien à voir ou... Non, je suis pas dentiste. En fait, c'est le patron de ma mère qui est dentiste. Le patron de ta mère, donc ta mère, c'est la secrétaire du dentiste ou quelque chose comme ça? Ouais. D'accord. Ouais. Et alors, du coup, est-ce que tu sais si ça existe, ce que je viens d'expliquer? Est-ce qu'ils m'en fument, mon dentiste, ou pas? Oui, carrément. Ils m'en fument ou ça existe? En fait, la piqûre dans le palais, on me l'a faite. Ouais, non, mais ça, je sais que ça existe, mais... Voilà. Et par rapport au truc de décoller les gencives, c'est impossible. Genre, je sais pas, il devait avoir 2 grammes d'encens, mais c'est... Bah, je sais pas, ou alors ce con il m'a peut-être dit d'aller voir un spécialiste pour effectivement faire le méga détartrage et il s'est foutu de ma gueule et moi je suis rentré dedans, hein, c'est en disant à tout décoller. Oui, parce qu'après il fallait recoudre, hein. Enfin, moi j'étais en panique, hein, quand il a sorti après, ça. Il faut recoudre. Bah oui, les gencives, il faut bien les recoller. Non, mais d'accord, mais je pense qu'il faut un détartrage là-dedans. De quoi? C'est un détartrage que tu dois faire. Non, mais ça j'ai déjà fait, mais après il m'a dit que. Et je continue encore à saigner les gencives, donc du coup il m'a dit qu'il fallait faire un méga détartrage et donc il fallait évidemment décoller les gencives pour aller plus loin, quoi. Rien que le mot décoller la gencive, déjà ça me fait mal au cœur. Et devant et derrière, c'est pour ça qu'il faut mettre des piqûres dans le palais pour endormir aussi le palais. Et après, en fait, il doit recoudre entre l'intérieur de la dent, si vous voulez, là où il y a le palais, et la gencive pour que ça recolle contre la dent. Mais moi je suis en panique et jamais de la vie, hein. Bah oui. Tu préfères encore qu'on m'arrache les dents que je mette un dentier. Non mais non. Et je pourrais faire. Comment les gars? Bon ou quoi? Ouais, par exemple. Bon, attends, il y a aussi Florent qui est avec nous là, d'Haute-Marne. Salut Florent. Salut. Comment ça va? Ça va, tiens, je rentre du boulot là. Ah bah très bien. Donc t'es pas dentiste, tu rentres à 1h30 du matin. Non, je suis pas dentiste. Non, il est pas dentiste, il est charcutier, mais c'est pareil. C'est ça. Et donc alors du coup. Non, moi j'ai été voir un dentiste qui m'est arrivé la même chose que toi, sauf que je suis arrivé voir le spécialiste justement et en fait c'était gros mytho, il m'a dit que ce que le dentiste m'avait dit ça servait à rien du tout, ça n'existe pas. Mais alors qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi les gencives qui saignent? Ouais, moi aussi j'ai les gencives qui saignent, mais bon après c'est régulier, hein. Moi j'ai l'habitude à force. Oui, non mais moi j'ai l'habitude aussi, moi c'est pas le problème. Tu as les règles de la gencive. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est tous les jours moi. Mais moi aussi c'est pas le souci, mais du coup il t'a dit bah, y a rien à faire. Ah, tu mets un tampon dans la bouche. Ça sert à rien, ça n'existe pas ça. Non mais qu'est-ce qui n'existe pas de décoller les gencives? Ouais, ça n'existe pas. D'accord, parce qu'il y a Rodolphe qui est aussi sur le Facebook, qui dit « Salut Mickaël, c'est une connerie, déjà un vrai dentiste peut te le faire. Oui, ce n'est pas très agréable, mais je t'assure, il ne te décolle pas les gencives. » Déjà, ça me rassure un peu. Joséphine qui dit « J'ai jamais été chez le dentiste, je m'en plains pas, je n'ai aucune carie ni rien d'autre. » Ouais, bah Joséphine, d'accord. Méfie-toi, hein, parce que parfois, comme ça, tu t'en rends pas compte, et puis pas, toi arrive d'un coup, donc méfie-toi. Ouais. Bon, bah j'espère en tout cas que vous avez raison, Florent et Lucie. En tout cas, je me le souhaite pour une fois. Mais je vous tiendrai au courant, j'ai rendez-vous le vendredi 4 octobre. Donc j'irai, je verrai. Hein. Attends, ouais. Et j'ai pas été chez le spécialiste, alors, ouais. Hein. J'ai d'abord été chez un autre dentiste pour qu'il confirme les propos du premier. Et après, je verrai. S'il confirme, il ira voir un troisième pour être sûr. Pour qu'il surconfirme. Voilà, donc par contre, si jamais il infirme, hop, l'affaire est pliée. Ouais, c'est je prends celui qui m'arrange. Je prends celui qui m'arrange le plus. Bon, ben, merci Flo et merci Lucie. Hein. Okay. Bon, ben, gros bisous et à bientôt. Merci d'écouter Fun. À bientôt, Florent. À tout, Lucie. Salut, bonne soirée à vous. Bye bye, Lucie. Ciao. Et bon, on fait encore quelques appels là maintenant. Allons-y. Allez, c'est parti. Je rappelle que nous avons trouvé une étude qui disait que 9 Français sur 10 ne savaient absolument pas où se trouvait ce qu'était le clitoris. Ouais. D'ailleurs, pour la plupart, ils pensent que c'est une Toyota. Oui, c'est ça, c'est la Toyota Clitoris. Non, mais sérieux, hein, dans le sondage, ils répondent que c'est une Toyota. Donc, on va rappeler maintenant, on était tombé déjà sur des gens très sympathiques, comme là, tout à l'heure, on avait appelé à Charleroi. Ta gueule, connard, ta gueule, fils de pute, enculé de ta mère, c'est ta mère qui a un grand clitoris, toi. Elle t'a mis au monde avec un clitoris sur ton front, connard, espèce d'enculé. Voilà, très classe. Donc, on va rappeler ailleurs maintenant, c'est parti. On y va, on rappelle pour reposer la même question, hein, savoir où se trouve le clitoris. C'est parti. Et merci pour les numéros que vous avez envoyés, hein, parce qu'à 1h du mat, on galère un peu pour trouver des numéros, des gens qui décrochent. Allô? Oui, bonsoir madame. Oui? Oui, je vous appelais pour savoir si vous saviez où était le clito. Le clitoris, vous savez où il est? Et dans ton cul, au connard. Non, pas du tout. Ah, si, visiblement, ouais. Donc non, là, on était en Corse, a priori, hein. Le haut connard. C'est pas du tout là. Non, pas du tout. Bah, on va la rappeler d'ailleurs, hein, pour lui préciser, parce que je pense que elle sait pas, ce qui est con. Allez, c'est parti, retour en Corse. Est-ce que nous aurons un nouveau gagnant ou pas aujourd'hui? Va-t-il battre l'autre avec Fouriani, là? Oui. Oui, excusez-moi, j'étais avec votre femme, on a été coupé. Oui, question enculé, ta race, qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, je voulais savoir si vous saviez où était le clitoris. Et toi, c'est où la putain de ta race? C'est où la putain de ta race? Je vois pas le rapport, monsieur. Bon, dis-moi un peu, enculé, tu es où, là? Moi, je suis à Paris, monsieur. Tu es à Paris? Mais va te faire enculer. Toi, ta putain de race et ton père et ta grand-mère. Tu as compris, le fils de pute? Bah, j'ai compris, mais je vois pas bien le rapport avec le clitoris. Tu vas te faire enculer, toi, et t'es mort. Tu as compris, enculé? Hein? Si vous voulez. Mais pour le clitoris, on le situe où, alors? Ben, dans ta bouche. Moi, je le situe dans ta bouche. Non, c'est pas comme ça que ça marche, le clitoris, monsieur. Bon, dis-moi, espèce de fils de pute, dis-moi où tu es, et je viens et je te montrerai où est le clitoris, allez. Alors, dis-moi, moi, je suis 22 rue Bayard à Paris. Ah, ben moi, je suis en Jean-Jacques Lou. Dis-moi, tu veux pas te faire un saut sur le clitoris? Je veux pas, mais... Je t'encule, toi, ta mère, ta grand-mère, et je te montrerai où est le clitoris, ok? D'accord. Tu veux? Bah, j'aurais préféré par téléphone, hein, ça va te faire enculer au PDA. Hey, on a le même à la fin! On va te faire enculer au PD, j'ai entendu celui-là, attends. Hey. Va te faire enculer au PD. Mais bah, je crois que c'est une ponctuation corse. Ah, peut-être que c'est une ponctuation corse. Oh putain, je suis content d'avoir un autre avec une autre voix et une autre intonation, mais la même phrase. Là, putain, génial. Oh, j'adore. On rappelle, Colline? Ah bah oui. Bah oui, il était sympathique, hein, notre nouvel ami corse là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On rappelle de nouveau en Corse là. C'est parti. Ah, il était bien, lui. Oh là là là là. Allô? Vas-y, va te faire enculer, connard. Oui? Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Tu vas me mettre quoi? Viens. J'ai pas entendu, là. Vas-y, va te faire enculer, connard. Non, mais je m'en fous que tu m'insultes. Mais tu vas me mettre quoi, coco? Tu te mets dans le cul! Voilà, c'est pas grave, ça. Ouais, toi, je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Mais tu viens quand tu veux, hein. Va te faire enculer, salope. Non, mais au lieu de faire le malin comme ça par téléphone. Coco, viens me voir, viens. Je vais te montrer, moi, ce que je vais te mettre dans le cul. Mais de toute façon, moi, je réponds pas au con, hein. Hein? De toute façon, moi, je réponds pas au con, hein. Mais dis-moi, oh, tranché de nœud, là, ça fait 3 heures que tu... Mais tu t'adresses à qui, là, au bout du compte? Parce que ou tu fais un petit numéro ou tu t'amuses, là. Va te faire enculer au PD, va. Ah ouais. Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Bon, écoute, tu me dégoûtes. Hé, hey, cocotte, je vais maintenant, je vais appeler le commissariat et tu vas être dans 5 minutes, tu vas être vite dans la ligne. Va te faire enculer au PD, va. Qu'est-ce que t'as dit, toi, au connard? Va te faire enculer au PD, va. Tu me fais rire, là. Non, mais calme-toi. Tu vois même pas, espèce de petit con, tu vois même pas que je suis une fille, espèce de connard. Allez, va te coucher, va. Je dis ça, mais je pensais pas vraiment. Oh merde, elle a raccroché. Oh, dommage. Oui, bah écoute, je suis sûr qu'on n'est pas tombé sur le même, il me semble. Si, si, c'était le même mec. Ah ouais, putain, ouais. Il avait pas la même voix, j'ai l'impression. Si, tant si, pis. Si, si, c'est le même, mais il s'est un peu calmé, ouais. Il s'est un peu, ouais, il s'est un peu calmé entre temps. Bon, bah très bien. Bon, alors on va revenir avec, dans un instant, comme promis, Dylan. On fera encore d'autres appels, évidemment. Et puis on va s'écouter Back Your Mat. Ça te branche, toi, Colline, Back Your Mat? Oui, ça va. C'est ça, là, pour ceux qui connaissent pas, là. Oui, oui, c'est. Back Your Mat avec le saxo. D'ailleurs, Back Your Mat qui a fait ce morceau grâce au pipeau de Polo, hein. Exactement. Parce qu'il connaissait pas avant. Mais non, mais c'est vrai, écoutez. Voilà, tout vient du pipeau, justement. Donc, c'est quand même, c'est quand même beau, justement. Allez, c'est parti, Back Your Mat avec le son de Van Dijk. C'est hollandais. On écoute ça dans un instant sur Fun. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les connards. No limit. Sur Fun Radio. I have a dream. C'est Back Your Mat sur Fun. No Limit. 23h, 2h. Fun. C'est Mickaël, No Limit. On Fun Radio. Ouais, on est toujours en direct sur Fun Radio avec un message de Laurine là qui est arrivé qui dit Forza Corsica. Bah ouais, on était bien reçus là. Ils me font rire les Corses quand même. C'est Sébastien qui m'a envoyé le message. Continuez avec tous vos messages hein. Sur Facebook. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. En plus, je vous file l'iPhone 5C, le dernier qui est à gagner, le bleu ou le rose qui est à gagner donc ce soir là sur le Facebook de l'émission. Vous venez simplement faire un like sur la photo qui se trouve tout en haut de la page. Photo où je suis avec les deux iPhones. Il y a un mur rouge rose derrière là, comme ça vous voyez visualiser plus ou moins la photo qu'il faut liker et partager. Donc facebook.com/mickaëlofficiel, vous y allez. Et puis venez également nous rejoindre sur le Twitter de l'émission. Vous me faites un follow et moi aussi je vous fais un follow. Vous tapez Mickaël officiel sur Twitter et sur Instagram aussi. Et je vous follow, on se follow, tout le monde se follow, c'est la belle vie. Allez, on vous attend, on fera le top tweetos aussi dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Et puis on va également, il y a un message de Lauriane qui dit ouais ils sont méchants les Corses, mais non ils sont rigolos. Non. Malgré eux mais ils sont rigolos. Florian qui dit le type il aime se faire enculer ou quoi. Et puis Barbie sur le Twitter qui dit encore des appels, je suis plié en deux. Vous me vendez du rêve. Ouais, ouais, mais vous inquiétez pas, on va encore faire des appels d'ici quelques instants. Bon, avant de faire des appels, nous allons réaccueillir Dylan, qui appelle du Nord Pas-de-Calais dans le 59. Dylan, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Bon, très bien. Oula, ça, on t'entendait mal parce que c'était ma faute, j'avais pas poussé sur le bouton. Alors, Dylan, tu nous appelles pour quoi, toi? Pour un problème avec mon ex. Avec ton ex, qu'est-ce qu'il a le problème? Eh ben, si tu veux, la meuf, même que je suis fort avec notre meuf. Ouais, attends, t'as le kit main libre là, Dylan? Non, c'est juste mon haut-parleur qui déconne un peu. Ah, d'accord, mais tu peux pas enlever le haut-parleur directement, mettre le téléphone normal? Non, je veux dire, la baffe ou que t'entends, quand tu parles, t'entends... Ah, d'accord, non, mais là, en fait, j'entends comme si t'avais le téléphone qui était trop près de ta bouche, par exemple, mais bon. Bon, c'est pas grave, vas-y, on va essayer de comprendre. Ouais, je te dis, en fait, j'ai des problèmes avec le mec, donc est-ce que la meuf elle-même... Je répète après toi parce que enfin moi déjà avec un casque en étant concentré j'ai du mal à comprendre alors sans voiture j'imagine pas. Donc t'as un problème avec ton ex et donc tu l'aimes c'est ça? Non, moi non mais elle ouais. Elle t'aime pardon oui en plus tu vois que c'était difficile à comprendre. Donc elle t'aime, tu l'aimes. Et c'est toi qui l'as viré c'est ça? Ouais. Bon et quel est le problème? Elle veut bah oui mais elle t'aime, soit chose qui arrive mais après voilà c'est fini hein. Ah oui. Ouais, donc du coup, tu vois, à un moment, elle m'appelle et tout, je lui fais, ouais, attends, deux minutes, je vais pisser, mais en fait, je vais pisser. Tu dis quoi elle t'appelle, tu dis, attends, je vais pisser deux minutes, et puis quoi? Et c'est en fait, j'ai pas été pissé, j'ai pris le fixe en bas, et j'ai appelé ma meuf, et puis du coup, j'ai passé ma meuf, et puis elle a remis la place. Putain, c'est chaud pour comprendre quelque chose, Dylan, sincèrement. Sa meuf au téléphone, en fait, ça nous ouais. D'accord, ok, mais pourquoi tu lui dis pas que t'es déjà avec quelqu'un d'autre, et que, voilà, c'est fini, sans chose qui arrive, elle va s'en remettre, hein. Bah, je lui ai déjà dit. Comment tu lui as dit? Bah, j'ai dit, écoute, je suis avec notre meuf, alors elle vient me saouler tout, et il me dit, ouais, mais bon, faut que tu comprennes, c'est toi que j'aime, c'est ma vie, tout, je sais pas. Ça, c'est un truc qui peut m'énerver. C'est à des meufs. Ouais. Elle s'accroche à un mec qui est un enculé. Je dis pas que t'es un enculé, mais tu sais, ouais. dans ta réponse en disant ouais, j'en ai rien à foutre, je suis avec une autre meuf, vas-y, casse-toi. Et elle continue, ouais. et elle s'accroche. C'est un truc de fou. Alors que tu tombes sur des mecs, bah comme ça, par exemple, tu tombes sur des mecs plus gentils, cool, ouais. etc. Non, ça les intéresse pas. Mais oui. les meufs aiment bien les connards. Mais ouais. Non, mais c'est dingue. Bah, Toff, on est la preuve vivante. Je suis disponible, célibataire. Si vous êtes une fille, je suis un connard. Voilà, c'est ça. Totalement disponible, bien entendu, ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Radio.fr. Ouais, c'est bon, on a compris, Toff. Donc, c'est vrai en plus, n'est-ce pas, Colline? Je parie que toi aussi, t'aimes bien les connards, je parie, non? Ouais. Ah, ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça, vous aimez les mecs qui vous font du mal, voilà, c'est tout. Non, mais on s'accroche, je sais pas, c'est... Mais exactement, vous préférez les mecs qui veulent pas de vous. Ouais. Alors tu vas tomber sur un mec super cool, gentil, qui a tes têtes en kiff sur toi, bah tu vas l'envoyer la merde. Comme Mickaël, qui est l'homme parfait. Oui, c'est vrai. Bah, en toute simplicité. Moi, chaque fois que je tombe sur des gars gentils, ils sont en couple déjà, donc... Oui, mais d'accord, ok, mais c'est pas une raison d'aller volontairement chez un connard. Tu vois ce que je veux dire? De quoi? C'est inconscient. Ouais, c'est inconscient, bah oui, bien sûr. Non mais Dylan, après moi, il y a pas 10 000 solutions, tu vois. Si tu lui dis et qu'elle veut pas comprendre, bah tu lui parles plus, tu lui réponds plus. Il y a un moment, elle va comprendre et elle va se faire une raison. Hein. Je crois pas qu'elle va comprendre. Non mais de toute façon, elle a pas le choix, tu vois. Je veux dire, il y a un moment, elle va pas te forcer à sortir avec elle. Ouais, je sais, non mais... Ouais, mais une meuf c'est vicieux, hein. elle peut lui prendre la tête, elle peut faire des vices avec sa nouvelle copine. C'est pas ça, une meuf elle est comme elle est, c'est tout. Les meufs elles sont pas pareilles. Non mais toutes les meufs sont pas pareilles, ouais. D'ailleurs, bon alors aujourd'hui ça va être un peu chaud parce que l'émission arrive à la fin, mais demain on pourra en reparler, tiens, les pires galères que vous avez eues à vous débarrasser de votre meuf. Ou au contraire les moyens les plus sympas pour vous débarrasser de votre copain ou de votre copine, ça marche dans les deux sens évidemment. En même temps ça pourra peut-être même donner un conseil à Dylan, va savoir. Et ta copine actuelle, elle dit quoi là par rapport à elle? Elle a pas envie d'aller la trouver si c'est pas déjà fait? Si, bah justement, j'ai même l'enregistrement et tout. T'as l'enregistrement? Ouais. En fait, je vais te dire à peu près ce qu'elle lui a dit. Ouais. Donc, je la passe et tout. Elle fait, écoute-moi bien, petite putain, tu vas arrêter d'appeler mon mec. Parce que moi, tu connais pas mon quartier. Moi quand dans mon quartier, quand une fille a un copain, faut même pas lui parler, parce que sinon, c'est mort. Mais tu veux pas que je l'appelle pour lui demander si elle sait où est son clitoris? Ouais, si tu veux. Ouais. Comment elle s'appelle, elle? Shana. Tu parles de qui? La meuf qui m'appelle à chaque fois ou... Ouais, bah ton ex, en l'occurrence. Oh, Shana. Shana. Bon, bah Toff, bah appelle-la hein, pour lui demander où est son clitoris. Attends, on va voir. Bon, si elle décroche, hein, parce qu'en même temps, 2h-10, je suis pas sûr qu'elle soit encore opérationnelle. Encore que, faut voir. Oula, sa gueule. Voilà. Ouais. Ouais, à mon avis... Allô? Oui. Oui, en fait, voilà, j'appelais pour savoir où était Clitoris. Allô? Tu vois? Voilà le talent de Toff, il s'en est débarrassé en même temps de 2 secondes. Regarde, tu vois comment je suis balèze ou pas? Voilà Dylan. Bon, on la rappelle quand même? Ouais, vas-y, parle-lui, dis-lui pour qu'on appelle. Une vieille molle, c'est pour ça. Ouais, attends, on la rappelle. Je suis curieux d'avoir son avis à elle, parce que je suis sûr qu'il va complètement diverger du tien. Oh merde. Bonjour. Vous êtes sur le répondeur à ces... Ah bah bravo, bah voilà, on a tout gagné, tiens, bravo Toff. Ah bah ça a coupé son téléphone maintenant, tiens. En même temps, à 2h. Ah. On va réessayer, mais à mon avis, ça te répondeur. Ah, quoique. Ah merde. Bonjour. Non bah c'est mort là, Dylan, c'est le répondeur là. Merde. Bon bah tant pis, écoute, non mais... lui répond même plus en fait, tout simplement, il y a un moment, elle va comprendre, elle va passer à autre chose, elle va tomber peut-être sur un autre mec, et voilà. Elle comprend rien du tout, putain, en fait, je vais te dire à un moment, quand j'ai dit ça... Elle me dit, elle m'a envoyé un message que en majuscule, elle me dit, alors, faut que tu comprennes que je t'aime, que ma vie, c'est avec toi que tu veux vivre et tout. Ouais, mais d'accord, mais c'est parce qu'elle est encore en kiff sur toi, parce qu'elle est persuadée qu'il y a encore un conseil, il y a encore une chance. Mais voilà, si tu continues à plus lui répondre, à un moment, elle va passer l'affaire. N'est-ce c'est pas, Colline? Colline, bon, oui. il y a un moment, même si vous êtes quand même beaucoup à être conne, à vous accrocher absolument à des connards, il y a un moment, vous comprenez quand même les choses. Bah bien sûr. Bon bah voilà, écoute, c'est le seul truc à faire. Bon, tiens-nous au courant, Dylan, pour voir comment ça va se passer. D'accord. Sinon, Pierre, j'avais pas ce numéro de ma copine, vous avez qu'à l'appeler puis à vous dire retour. Non mais là, non, ouais. Mais on veut bien le croire, on dit pas qu'on te croit pas, Dylan. L'intéressant, c'est pas d'avoir ta copine actuelle, l'intéressant, c'est d'avoir celle qui est relou, parce que si on appelle ta copine juste pour qu'elle dise exactement la même chose que ce que tu viens de dire, ça sert à rien, mais l'autre, c'est le répondeur. Donc au pire, on essaiera demain ou un autre jour, on n'est plus à un jour près, hein, Dylan. Wow. Bah oui, bah voilà. Bon, Dylan, on te tient au jus de toute façon, enfin, tiens-nous au jus, surtout s'il y a des nouvelles par rapport à elle demain, et je te repasse Sandro, d'accord ? T'inquiète, 100 euros. Bon, ça marche. Salut Dylan. Dylan. Qu'est-ce qu'il y a, Dylan ? Oui, mais on comprend déjà à moitié ce que tu racontes, donc fais pas oh lolo. Ah ouais, mais faut qu'ils comprennent aussi. De quoi ? Faut qu'ils comprennent, en même temps, je suis enrhumé, je suis malade et tout. Alors. Mais non, mais c'est ce que je te dis, justement, on va te prendre demain, Soigne-toi et puis reviens. On va voir si t'as des nouvelles, voilà tout simplement, Dylan. On va voir si t'as des... Si t'as des nouvelles, des news. T'inquiète, on aura. Très bien. Bon, bah écoute, bah tiens-nous au courant, justement, Dylan, voilà. Bon, je te renvoie chez Sandro Standard. Bon, Colline, t'es toujours là ? Oui, toujours. On va encore faire quelques appels là dans quelques instants. Puis on aura Jenison aussi. Jenison ? Oui. Ah, une fille, elle est très bien. Jenison, wow. Je connaissais pas. Ça vient d'où ça, Jenison ? Et qui est dentiste ? Bah, en l'occurrence, ça vient de Bouchu. Mais ça vient d'où ? C'est... Non, je suis pas dentiste. Hein. Ah, t'es pas dentiste ? Ah, d'accord, je pensais. Non, mais j'ai vécu ça. Bon, alors bouge pas, Jenison. Est-ce que t'es bonne, Jenison ? Combien mesures-tu ? N'importe quoi. Jenison, combien mesures-tu ? 1m75. Combien pèses-tu ? 55. Ah, je quel est ton tour de poitrine ? Ça ne regarde pas. Allez, Jason. Non, ça ne regarde pas parce qu'on ne le verra pas, mais tu peux nous donner les chiffres. 85B. Ah, B comme Bénédicte ? Oui. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 36. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Elle est bonne. Eh oui. Pas les bonnes, elle est bonne. Voilà. Je n'ai pas dentiste, je ne suis pas gynéco, mais je veux bien jeter un coup d'œil. Merci, Daf. Bon, Jenison, reste là, tu vas donner peut-être le conseil là, apparemment sur les dentistes. Là, tu bouges pas de là, on va se mettre le son de Fédé Legrand maintenant. Tiens, ça aussi, c'est un son que vous avez découvert sur Fun Radio. Là, on vous l'a mis il y a une ou deux semaines, je me souviens plus. Reprise de Prodigy, Fédé Legrand qu'on écoute maintenant avec No Good. Dernière ligne droite également pour choper votre iPhone 5C, le bleu, le rose. Il est à gagner maintenant sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikl officiel. Il y aura le générique de fin évidemment et le top tweetos. Bonne nuit avec Fun. Le son de Fédé Legrand sur Fun, c'était No Good. Tous les soirs 23h 2h. Ah, vous avez me corsé les couilles longtemps là. Mikl, Mikl, No Limit. Sur Fun Radio. Exact. Fun Radio. Ouais. Et on est là sur Fun Radio évidemment, là tous les soirs entre 23h et 2h du mat. Tirage au sort dans un instant pour savoir lequel d'entre vous va repartir avec l'iPhone 5C, le bleu, le rose. C'est les tout nouveaux qui sont sortis que vous gagnez en exclus sur Fun depuis hier soir. Et pour le coup, vous avez quand même été plus d'1,2 million à venir voir la photo, ce qui est quand même assez surréaliste. J'avoue que je n'y croyais pas au début. Hein, et donc tout ça pour venir voir ma gueule. Et ça, franchement. Ouais, mais t'es trop beau. Je vous remercie. T'imagines, ça aurait été 1,2 million de filles. Oh là là là. Oh la folie totale. Mais bon. T'as été voir Colline toi ? Oui, je suis allée voir et j'ai aimé, je crois. T'as fait un like aussi ? Ben je vais voir ça de suite. C'est beau, merci Colline. T'as fait ça pour les iPhones ou pour ma gueule ? Ben pour ta gueule bien. Merci Colline, merci beau, merci. Et toi Jenison ? Ah, pour ta gueule, hein. Ah, merci, Jenny. Merci, ouais, Jenny. J'ai aimé, moi. Bon, Jenny, toi, tu m'appelais par rapport à un problème de dents. Pour ceux qui viennent de débarquer, donc j'avais été chez le dentiste pour faire un détartrage normal. Et le gars m'a dit, faut faire un méga détartrage, entre guillemets, en profondeur. Parce que je saigne souvent des gencives, en fait. Et il y a Steph qui m'a envoyé un mail aussi. Et Stéphanini qui me dit, cherche détartrage. Détartrage sous gingival sur Google. Quelle horreur. Avec le nom, déjà, ça donne pas envie. Et donc, apparemment, ça existe vraiment. Donc, ça m'angoisse fortement. Et donc Jenny, alors dis-nous un petit peu, t'as vécu ça aussi toi ? Ouais, j'ai vécu ça. En fait, bon, c'était pas plus ou moins comme toi, mais c'est parce que en fait, je me brossais trop souvent les dents. Donc ah, trop souvent toi ? Ouais, bien trop souvent, c'est-à-dire au moins minimum 10 fois par jour, tellement que j'étais une grosse maniaque des dents, quoi. Toi, t'as un problème toi. Ouais, non, c'était vraiment les dents, c'était ma hantise, quoi. Et donc tellement je me brossais trop les dents, j'ai attrapé tout le temps des saignements. Ouais. Qui a provoqué un... ça s'est décollé quoi. Toutes les gencives du bas se sont décollées. Donc j'ai été chez le dentiste et il s'est un peu demandé ce qui se passait. Bah ouais. Donc bon, quand j'ai expliqué, il a dit que c'était un décollement de la gencive, mais qu'on ne sait rien faire à ça, ça doit se refaire naturellement quoi. Ah bon ? Pas, toutes les dents se déchaussent et on perd ses dents. Ah sympa. Donc Donc le décollement de la gencive forcée et recoudre une gencive, je suis pas dentiste, mais ça n'existe vraiment pas ça. Bon, écoute, ça me rassure dans un sens. Bah, ouais, je verrai. Ouais. Hein. De toute façon, vous inquiétez pas, on fera le reportage en direct hein, vendredi. Hein. On ira faire, enfin, ouais. Pas celui-ci, hein, celui d'après. Donc le 4 octobre, rassurez-vous, vous serez tenu au courant minute par minute sur le Facebook et le Twitter. Instagram là. Et tout. Ah bah bien sûr. Ça. Attends, on sera au taquet. N'abusons pas non plus. Si, ça a l'air horrible. N'abusons pas non plus. De quoi, oh là de quoi là, je suis en train de regarder les vidéos. Ça a l'air. Mais attends, mais il dit que ça n'existe pas, Jenny. Toi, tu me dis que ça existe. C'est quoi ça dire? Non, j'ai les trucs d'étartrage sous gingival. Alors c'est quoi le dossier? Oh là, c'est horrible. Non mais explique. Bah c'est horrible, le mec il prend un truc, il enlève, puis il passe avec un espèce de scalpel comme ça, c'est horrible, c'est dégueulasse. Donc il faut bien décoller la gencive. Bah c'est pas très légèrement quoi, c'est juste qu'il replie un petit peu pour aller en dessous et gratter quoi. Oui, c'est très léger, mais oui, mais voilà. Oui, on va pas tout décoller quoi, c'est ouais, ouais, mais ça je m'en fous en fait dans l'absolu, ça ne me dérange pas. C'est juste cette putain de piqûre dans le palais qui m'angoisse. Ah non, c'est. Le problème c'est que j'ai déjà vécu ça, je sais que ça fait un mal de chien donc j'ose plus. Ah, voilà. T'as déjà fait Jenison toi ou pas la piqûre dans le palais? Non, mais ce que tu peux faire par exemple, c'est avant la piqûre dans le palais, c'est demander une piqûre qui se passe au-dessus des molaires, de chaque côté. Ouais, mais il l'avait déjà fait. Ça va déjà endormir à moitié en fait. Ouais, mais il l'avait fait, je peux te dire que j'en ai quand même bien chié ma race. Hein. Ah ouais, je m'en doute. Ouais, donc c'est-à-dire qu'il y a tellement de nerfs dans le palais que tu peux endormir ce que tu veux. Ou alors, je lui demande une ANSTJ générale. Ouais, voilà, c'est radical. Ouais. Non, mais tu lui dis que t'es Mickaël. Mais si tu lui dis que t'es Mickaël. Mais moi, je gourdin derrière la nuque. Mais non, mais moi, je préfère. Mais il va pas t'endormir. Tu sais que c'est chaud, c'est dangereux de faire. Je sais, mais. Il va pas t'anesthésier juste pour. Pour la, c'est ce que je voulais faire aussi pour mon futur accouchement. Ah ouais. L'anesthésie générale. Non, mais attends, je t'interromps, mais toi, tu es en train de me montrer une vidéo là. Ah, ok. Allez, non mais attends, ça va, j'ai passé dans la... Oh putain, quelle angoisse. J'ai passé dans la non plus, il est con lui. C'est un cheval, c'est quoi? Non, c'est un homme. Non, c'est un mec. Ah, franchement, si c'est ça, il est hors de question. Hein. Mais regarde pas ça. En fait, c'est-à-dire qu'il a, en fait, ils ont vraiment le... T'appelles ça décoller un peu, toi? Ils ont complètement levé la gencive. Ah non, c'est on dirait un capot de voiture qui est ouvert. C'est un peu. Arrête, il a pas enlevé toute la gencive. Mais t'es sérieux, là? Quelle horreur. Mais attention, et là, il me montre un truc. Là, t'es en opération endormissement total. Hein. C'est un vrai chirurgien, c'est pas un dentiste qui est là. Il a son chapeau vert, là. Je sais pas, c'est pas écrit. Oui, ça, c'est de la chirurgie, là. C'est de la vraie chirurgie. Ouais. Il est fou, lui. Donc, la vidéo est à 18€. Si tu veux le DVD, c'est 90€. Ouais, ouais, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Paiement sécurisé, tu me donnes ta carte bleue. Foutre. Bon, ben Jenison, merci quand même pour le conseil. De toute façon, je vous tiendrai au jus quand j'aurai été chez le dentiste, hein, quand je serai presque mort. Ok. Merci Jenison. Merci, salut. Allez, gros bisous. Bon, ben Colline, l'émission est bientôt finie là, Colline. Il va falloir dormir maintenant là. Hein. C'est une psychopathe. Ah, ben oui. Bah ouais. Bon, il y a Kikiria qui dit j'ai trop mal aux dents là, sérieux, arrêtez de parler de ça. Ouais, ben c'est bon, t'inquiète pas, on a terminé. Il y a Petit Rouge-Gorge qui dit la preuve que les hommes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Mickaël, il est partout, Facebook, Twitter, Instagram et à l'antenne. Oh, oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est vrai, Rouge-Gorge. Merci, Petit Rouge-Gorge. Il y a le Prince Nadia qui dit qu'il passe à autre chose, Dylan. Ah oui, ça c'est pour tout à l'heure, Dylan. Et alors, message aussi qui dit Lorine qui dit nous sommes maso nous les filles. Bah effectivement j'ai bien remarqué ça hein, en effet hein. Et puis message de Jay aussi qui dit salut pour ton histoire de dentiste, j'avais le même problème, il s'est atténué grâce au brossage interdentaire, petite brossette genre mini brosse à biberon à la fin chaque brossage dedans. Bon bah de toute façon je vous tiendrai au courant, on verra bien hein, je vous tiendrai au jus hein, s'il se passe quelque chose ou pas. Tirage au sort aussi maintenant pour l'iPhone là, c'est parti. Et Colline, si t'as un double appel fais attention, on sait jamais hein. On sait jamais. Alors, quelqu'un qui a fait le like sur le Facebook de l'émission, attention. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour. Alors moi, je m'appelle Julien. Ok, Julien, salut, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, je t'appelle parce que t'as fait un like sur une page à la con. Mais c'est tout à fait ça, en fait, c'est une page vraiment à la con. Hein. Eh ben voilà, écoute, très bien, Julien. Bon, ben, l'iPhone 5C est pour toi, tu le sais, hein, du coup. Hein. Oh là là, putain, oui. T'emballes pas. Bleu ou rose? En fait, juste pour la vanne, je voulais dire rose, mais bon. Eh bah, t'auras rose. Ça m'arrange parce que le bleu, on l'a offert hier. Donc. Voilà, t'auras rose. Il va t'aller super bien. Tu vas voir, ça va être génial. Voilà. Il va t'aller au top. Franchement, verras. C'est flashy et tout. Je vais adorer. Ah, ouais, en rose, il va être bien. Tu vas voir. Bon, bah, écoute, bravo à toi. C'est Julien, c'est ça? Merde, j'ai oublié. Ouais, Julien. Julien, bah, bravo, Julien. Ouais. Très bien. Bah, voilà, c'est le 5C. Merci, avec plaisir. Salut Julien. Salut, allez. Écoute, bonne soirée, bonne fin d'émission, ciao. Merci, ciao, ciao à toi Julien. Bon, voilà, bravo à lui. Et puis bah, les autres, rassurez-vous, il y aura d'autres cadeaux, évidemment, les PS3 notamment demain avec GTA 5. Et puis pour ceux qui aiment bien le foot, j'aurai peut-être surprise aussi dans quelques instants. Il y a Mr Steven qui dit ça va aller chez le dentiste, t'inquiète. Ouais, ça va aller, ouais, ça va aller. Généralement, le taux de mortalité chez les dentistes n'est pas très élevé. Mais c'est pas le problème de mortalité, c'est que ça va faire mal. Si vous vous imaginez déjà, on est lundi et j'ai rendez-vous vendredi. Non pas celui qui arrive, celui d'après. Ah ouais, l'autre est en stress. Et bon, comment t'expliquer? Mais c'est la piqûre dans le palais. Et Barbie aussi sur le Twitter qui dit non mais t'inquiète pas pour la piqûre dans le palais, ça fait pas si mal que ça. Ouais, non mais m'en fume pas Barbie, je l'ai déjà eu. Et c'est depuis que je l'ai eu que je sais que ça fait mal. Donc, mais c'est gentil Barbie d'essayer de me rassurer, mais m'en fume pas, ça sert à rien. Bon, top tweetos ce soir, alors, numéro 5 des top tweetos, quels ont été les 5 auditeurs les plus au taquet de la soirée, les 5 auditeurs les plus influents et surtout le numéro 1. Numéro 5. Alors, numéro 5, Sportfoot 950. Ah, il a perdu sa quatrième place, lui. Oui. Il était quatrième vers minuit et demi. Ouais. Bon, très bien. Numéro 4. Morgan 88S. Très bien. Numéro 3. Storm's Dreamer. Oh, Storm's Dreamer, c'est le chasseur d'orage en numéro 3. Oui. Alors ensuite, Dams Nertic. Dams Nertic, très bien. Numéro 2, il a gagné une place par rapport à hier, lui, c'est bien. Ouais, et attention, parce qu'il n'a qu'un tweet. Non ! Avec Let's Be Free. Oh putain, un tweet. Oh putain, dommage Dams là. Putain, t'as failli finir premier. Demain, je pense qu'il sera premier. Il y a moyen. Let's Be Free, attention, ton cul chauffe là. Non pas avec Toff, mais avec ta place. Hein, donc fais attention là. Enfin, attention, demain on verra. En tout cas, bravo à toi, Let's Be Freaks. Bon, ben merci Colin d'être passé la soirée. Hein. Ouais. Tu fais le générique avec nous là? Oui. Allez, ouais, Colin, allez, c'est parti. Hop là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Il t'a fait sucer, toi l'enculé. L'enculé, l'enculé, l'enculé. Tu comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Enculé. Tu ne peux plus dormir, on vient manger car on tourne toute la journée. Polo, il attend que ça toute la journée en fait, sa chanson. Hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se lève et tout le bordel. Alors pendant l'émission, il dort limite et puis là, bah, c'est parti, c'est le concert. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Allez, Colline. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Toi l'enculé. Tellement ça te fait enculer. Enculé. Ouais, Colline. On est des enculés, c'est vrai. Voilà, en toute simplicité. Ah, bon ben, salut Colline. Salut. À demain, Colline. À peut-être. Hein. On t'a encore besoin d'une place dans le standard ou pas demain? Bah ben bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah bah très bien. Bon. Que je reçoive la radio. Bah Colline, doucement. On va essayer d'en trouver une déjà de radio là. Et puis parce que c'est vrai que on est dans une radio, mais on n'a pas de radio en fait. Je me rends compte de ça. Non, on a des haut-parleurs comme ça, des chaînes, des grosses chaînes, mais on n'a pas des petites radios. Non. Donc on va essayer de gérer ça. On essaiera de voir demain si on peut t'en choper une, Colline, d'accord? C'est cool. Avec plaisir. Colline, bonne soirée et bonne nuit même. Bisous. Bonne nuit. Salut, ciao à toi. Bonne nuit à tout le monde également. On se retrouve demain en pleine forme. Merci à tous les nouveaux là qui ont débarqué sur le Facebook de l'émission. Plus 30 000 depuis hier soir. Donc bah, merci à vous. Hein. Plus de 180 000 pour l'émission qui a eu 2 mois hier. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Et puis plus de 12 000 aussi sur le Twitter. Vous avez été très très bons là ces derniers jours. Bravo à vous. On remet le couvert évidemment dès demain avec encore GTA à gagner avec la PlayStation 3, bien entendu. Avec les lecteurs DVD. Demain, c'est la spéciale qu'on va faire comme chaque mardi. Spéciale avec les appels pour la rupture. Eh oui. Donc, il faudra jouer avec nous, évidemment. Passez une excellente nuit. Rencard, donc, demain sur Fun Radio à partir de 23h. Et à demain. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Et j'allais presque... Pardon, j'allais presque oublier de parler de notre ami Jay qui vient de débarquer en pleine forme. Tu m'as oublié. Vite fait. Oh, le beau gosse de la night. Comment ça va? Tu me déçois. Non, mais c'est bon, parce qu'il y avait Adrien qui était là hier, il était au taquet avec Party Fun et tu tout. Tu préfères qui, Adrien ou moi? Toi. Physiquement, aucun des deux. Alors, t'aurais été une meuf tout de suite, on aurait pu dire, ok, d'accord, pourquoi pas. Là, malheureusement. Disons que pour un mec hétéro, tu n'es physiquement pas attirant. Voilà, je pense que c'est ça. Hein. Oh bah tant pis. Mais c'est pas grave, écoute, après, c'est pas de problème. C'est le beau gosse de la night. Mais exactement. Il y a ce petit boucle là qui pousse en dessous là, c'est pas mal. Il y a qu'un seul beau gosse. Exactement. C'est vrai. C'est qui le beau gosse? C'est Jérôme. Jérôme Fray. Oui, bien sûr, évidemment, le boss de la radio. Oui. Tout à fait, évidemment, suis-je bête. J'avais oublié. Depuis que tu fais ça, t'as doublé ton salaire. Exactement. Bon, on va s'écouter quoi là, ce soir? On va commencer par quoi? Tu veux qu'on se fasse plaisir? Ah bah bien sûr. On va d'abord faire plaisir à Jérôme. Je t'ai avec Bouya. Eh bah si tu veux. Ah bah on le met hein. Tu le veux? Ah bah oui carrément. Ah ouais, tu veux qu'on se fasse plaisir? C'est lui qui a envie de l'entendre hein, sinon, il n'est pas été prévu dans la prog. Et après il va dire ouais mais c'est Mickaël, il a voulu que... Alors attends, non, voilà, on se met un tragédie comme tu veux. C'est pas vrai, il m'a... Non, on va mettre Chotec. Hein. Il m'a dit qu'il dédicassait ce disque à Jérôme. D'accord. Ah bah dis donc, je l'avais, il est parti. Donc qui c'est qui me l'a foiré là? Je croyais que c'est le stagiaire. Bah ouais, il vole. Bah attends, je pense qu'il s'est barré avec le titre. Voleur ! Escroc ! Bon, voilà, c'est bon. Hop là, il est là. Eh ben voilà, on va se mettre Chotek et Bouya. Ça va? Très bien. C'est bon? Bravo. Parfait. Et demain, on en mettra un autre. Bah oui, c'est un peu le principe. On mettra ça demain sans problème. Bon, jusqu'à 6h du mat en pleine forme donc. Au taquet. L'arrivée de Bruno Guillon aussi pour le remboursement des factures, l'alerte anti-relou, etc. ouais, mec. Bon, à demain. Allez, à deux pieds. Allez, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que demain, je vais dans le bureau de Jérôme et je lui dis, écoute-moi bien, le mec ringard qui est après nous, il va falloir se le dégager parce que là, c'est plus possible. À deux pieds. T'imagines, même le stagiaire se fout de ta gueule. Et si tu fais encore une vanne comme ça, je te laisse le stagiaire jusqu'à 6h du mat. Bon, allez, tous les jours, on fera une vanne, j'aime bien. Bon allez, à demain hein. Allez bonne nuit jusqu'à 6h du mat. Salut tout le monde, on se quitte avec Bouya maintenant. C'est Chotek sur Fun, ciao. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air.